merci pour ce soir. C'est passé encore hyper vite là. Ce soir, on se retrouve dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. Ouais. On sera là. On va féliciter comme on a félicité Bruno, Mickaël aussi. Bravo Mickaël. Oh, bon, en même temps, moi je suis pour rien à ces auditeurs qui écoutent. Hein. C'est, bah oui, je sais, mais bon, c'est un petit peu. Ça veut dire qu'ils vous aiment. C'est gentil. Oui. Non, mais voilà, c'est une belle journée pour Fun Radio, une belle journée pour tout le monde et pour toi aussi. Effectivement. Et ben merci beaucoup. Gros bisous, à demain. Merci beaucoup. Et ben c'est le passage antenne le plus court du monde. On rentre un peu en retard. On devrait faire des audiences plus souvent. Non, on va regarder une vidéo du doc qui s'est fait piéger à l'époque dans une émission de télé qui s'appelle Surprise. Oh là là. Oh mon Dieu. Si vous voulez vous marier aussi, vous pouvez toujours taper Shella Watt sur Google. Sur YouTube, pardon. Ancienne émission du doc. Oh, j'avais oublié ça. Ouais, vous pouvez taper Shella Watt. Avec Arnold. Et puis, j'en ai fait des choses. Et puis, il n'y avait pas qu'Arnold. Il y en a d'autres que vous allez voir. Ils n'ont pas du tout la même coupe de cheveux aujourd'hui. Mais on l'embrasse quand même. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord, pas de problème. Allez, bonne ça. Gros salut. Bisous. Salut. Allez, ciao, on est Mickaël. Parti jusqu'à 2h du mat. À demain. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. T'es déjà tombé sur une meuf cochonne, toi, ou pas? Ouais, ça m'est arrivé quand je travaillais au bowling en 97, toi. Ah oui, c'était hier, quoi. Mais c'est pour la liposuction, je te fais un prix. Mais tu vas liposuquer mon billet, toi. Tu fais quoi? Ton bide, oui, mais c'est ça, c'est le mon principe. Billet. À Paris, où tu te parles, le billet, c'est le chibre. C'est ma bite. Mickaël Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. Ah ben oui, aujourd'hui on a reçu notre bulletin. Eh oui, ça y est, c'était la journée des sondages en radio. Donc on sait comme ça, une fois par mois à peu près, si vous êtes plus nombreux, moins nombreux, etc. Écoutez la radio. Et donc on sait à peu près combien vous êtes derrière votre radio. Alors on dit à peu près parce que ça reste un sondage évidemment, hein. Donc à mon avis, il y en a bien plus que ce qui est indiqué. Oui, ben, c'est ça, c'est, on s'est fait avoir. Non mais voilà, c'est on nous a volé évidemment. Des auditeurs. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes a priori de plus en plus nombreux à savoir qu'il y a enfin quelque chose le soir à la radio entre 23h et 2h. Et que c'est sur Fun Radio que ça se passe le dimanche aussi de 20h à minuit. Et il faut continuer à le dire à tout le monde que du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit, ça se passe donc sur Fun Radio. Virginie est avec nous également. Salut Virginie. Salut. Salut. Comment ça va? Ah mais c'est Virginie du Nord. Ouais. Comment s'en vont? Gros beau tour. Non, c'est fini ça, allez, arrêtez gros beau tour. Non mais bon, c'est une mauvaise période. Eh oui mais écoute, on sera à Charleroi dimanche. Tu passes nous voir ou pas? Bah je vous trouve pas mais bon. Tu veux pas? Ah non, elle voudrait au bain. Ah, tu voudrais bien? Voilà. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Non, bah parce que sinon, tu peux venir, hein, Virginie. Tu es avec ton mari. Tu viens me chercher? Non, mais regarde pas comme ça, non. Toi, va venir. Non. Ah, non. Bah, en plus, toi, tu as la limite pour moyen de transport. Je n'ai rien compris, Virginie. On parle visiblement une autre langue. Bon, t'as passé une bonne journée, Virginie? Nickel, ouais. Bon bah tant mieux alors. Bon, reste avec nous Virginie ou pour parler avec nous également. Et bah faites le 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous passerez à l'antenne comme Virginie qui est avec nous, à qui on va parler dans quelques instants. Sandro également qui va bien en pleine forme. Ouais ça va, super. Très bien, régime va bien, tout ça, nickel. Ouais. Bon bah comme d'habitude depuis deux quoi. Jours, ça va bien. Ouais, depuis deux jours. Et Toff qui est prêt également pour appeler de nouveaux amis. Un connard de votre espèce à ce moment-là qui emmerde le monde et a rien foutu sur terre. Exactement. Mais vous êtes un peu con mon pauvre. Et c'était l'auditeur le plus. Enfin, c'est même pas l'auditeur, c'était la personne qu'on a appelée la plus lucide du monde. Ah oui, quel homme sympathique. Ah bah oui. Mais vous êtes un peu con, mon pauvre ami. Mais complètement. Je nique ta mère, mon gros bâtard que tu es. Hein. Voilà, bon, alors évidemment, ça c'était pas hier. Vous êtes un peu con, mon pauvre ami. Mais voilà, complètement. Bon, on va l'armée des doux également avec, elle va bien. Avec le général Polo qui est avec nous. Elle aiguise ses petits canifs et elle utilise ses lance-pierres pour s'entraîner. Très bien. Je rappelle que les doux sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué. Exactement. Et puis on va accueillir également Anna avec nous. Maintenant de Bruxelles, Anna, t'es là? Oui. Ça va bien? Bonsoir à tout le monde. Oui. Très bien. Mais on t'a eu hier, Anna, toi, non? Pardon? On t'a pas eu hier? Ah non, je confonds. Non, la semaine passée. Oui, c'est la semaine passée. Ouais. Passée, oui. Non, je confonds avec une autre de Bruxelles aussi qu'on a eu hier et qui était un peu. Oui, mais elle est un peu pouette. Elle est pas bourrée, elle parlait juste comme ça. Oui, mais ça c'est différent. Bon, Anna, sois la bienvenue. Alors fais péter la colle pour peut-être repartir avec une GoPro ce soir. C'est tout ce que je te souhaite, évidemment. Ouais. Alors, hier j'ai coulé, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Ouais. Qui suis-je? Voilà, hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais, qui suis-je? Mon caraï. Non, c'est pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh ben allez-y, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS, au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer, vous vous mettez la colle dans quelques minutes, hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis 380 000 d'ailleurs ce soir. Donc venez, venez, continuez d'ailleurs à partager l'adresse de la page avec tous vos potes, tous vos amis. Dites-leur que c'est sur Fun Radio que ça se passe, et sur internet, ça se passe sur facebook.com. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Je répète, hier je cours. Aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? Voilà, vous envoyez votre réponse et Anna, on te récupère tout à l'heure avant minuit 30 et puis on te demandera de répéter quelques fois encore la colle afin de savoir si tu repars ou pas avec la GoPro, d'accord? Ouais, ça va, merci. Bon, c'est la GoPro. Ouais, bouge pas de là, Anna. Si vous voulez jouer, donc allez-y, bonne chance. On donne la réponse avant minuit 30. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, donne la réponse à l'antenne, et bien il repart ou elle repart avec la GoPro. Et à ce moment-là, Anna perd. Si jamais c'est l'inverse ou que ça ne décroche pas, c'est Anna qui gagne. On salue également Invisible qui est connecté ce soir-là. Ça fait longtemps que j'ai plus écouté. Bah bravo, Invisible. Mieux vaut tard que jamais pour revenir. Hein. Voilà, t'en méritais une quand même, Invisible. Salut Mika, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui se rasent les poils de cul? C'est Yvan. Ouais, je préfère. Un message. Bah, pourquoi pas, oui. Après, dans l'absolu, c'est pas très grave. Hein. Tant que ça tombe, ça va pas juste par terre, quoi. Julien qui dit bien joué la team pour votre bulletin. Bah, merci, Juju. Et Fred S34, bonsoir la team, Mickaël. Je suis ready jusqu'à 2h. Il y a Yann également qui dit je veux pas réviser mon brevet blanc de maths. Je préfère écouter Mickaël. Et t'as bien raison, Yann. Bon, t'as qu'à réviser en même temps que t'écoutes, comme ça tu fais une pierre deux coups. Bah, oui. Et Florian aussi sur le Twitter. Le soir, je bosse, mais je vous écoute quand même. Vous déchirez chaque soir. Gros bisous et merci. Et puis Lucas qui dit j'ai envie d'écouter Mickaël, mais pas internet. Pour écouter Fun en Allemagne. Ah oui, bah oui. Ah, putain, c'est difficile. Pour écouter mais Fun Radio. En même temps, il dit pas internet pour écouter Fun en Allemagne, il envoie un tweet. Ouais, tout ça. C'est qu'il y a internet. C'est bizarre. Lucas, explique-nous peut-être un peu plus en détail ton délire. Ou alors tu pars demain et du coup tu es déprimé parce que tu pourras pas écouter. Ah. Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous voulez nous rejoindre et taper la discute avec nous gratos, vous allez sur le Twitter, vous tapez hashtag et Mickaël et puis vous laissez votre message. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'on fera le top tweetos tout à l'heure. Ce sera vers 2h du mat à la fin de l'émission. On verra quel est l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. En gros, quel est celui qui a balancé le plus de messages avec ce fameux hashtag et Mickaël, justement. Tiens, Virginie, gros bâtard. Eh gros bouton, ah, comme je sais que t'es une femme de goût, est-ce que t'as envie d'écouter un son ce soir? Ah bah bien sûr que ouais. Qu'est-ce que tu veux? Moi je suis une folle dingue de Stromae. Stromae, ça va, j'ai eu peur avant. Ah, attends, parce qu'il faut que je t'en trouve un de Stromae, là. Merde, je sais pas où il est. Le tout dernier, là, le nouveau? Ouais, oui, bah, une seconde. Je l'ai pas sous la main, là. Attends, bouge pas. Bah, je vais te le mettre, mais je l'ai pas sous la main, mais je vais le chercher, t'inquiète pas. Je vais le chercher. Sinon, le nouveau David Guetta, t'aimes bien? Oh, putain, ouais. Oh, bâtard, il est trop bon. Oh, gros bâtard, il est bon. Oh, non, gros bâtard. Oh, gros bâtard. Et chauté, quoi. Ah bah et David Guetta et Showtek, il y a le duo avec Bad. Ah bah oui. Eh bah oui, il y aura aussi le nouveau Katy Perry également là, écoute. Le nouveau avec Burley. Elle l'a fait pour moi. Et je lui ai dit, écoute Katy, arrête. Ouais. Ça sert à plus à rien. C'est de l'histoire ancienne. Mais elle en a fait un pour mon anniversaire qui arrive dans 3 jours. Et bon bah écoute, ouais. Merci. Elle s'est rendue compte de la connerie qu'elle avait fait. Ouais bah écoute, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Mais non, c'est trop tard. Bah je sais bien. Bon, en tout cas merci Cathy, on le mettra tout à l'heure du coup. Et puis évidemment un son que vous aimez bien, Rebel avec Sydney House sera Black Pearl. Je vous calerai aussi Discloser, You and Me. Voilà. You and Me, ça arrivera tout à l'heure sur Fun Radio. Vous restez là et si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, bah vous demandez, n'hésitez pas. Hashtag et Mickaël. Tiens, on a toujours essayé de nous faire croire que s'il y avait de la violence, c'était à cause des jeux vidéo. Oui. Bah ouais, c'est toujours. Voilà. C'est toujours comme ça. Oui, il y a plus de violence, ouais. Oui, mais c'est les jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo rendraient apparemment plus agressifs. Eh bien, pas du tout. Ce ne sont pas les jeux vidéo apparemment qui rendent agressifs. C'est le fait de perdre, quel que soit le jeu, hein, que vous perdiez à Tetris, à Call of ou à FIFA, eh ben vous allez être énervé. Et vous allez vous énerver, vous allez être énervé surtout. Tu joues à des jeux vidéo, toi, Virginie? Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est quoi ton jeu vidéo préféré? Quoi, tu joues pas à Candy Crush? Pac-Man. Ou à Gros Bâtard? Ça va pas la tête. Tu joues pas à Gros Bâtard 2? Ah, tu pas ni déconcerté. Ça se passe en Picardie, puis vous vous balancez du maroual. Exactement. Tu connais pas ça? N'importe quoi. Et ça fait Gros Bâtard, Gros Bâtard, Gros Bâtard. Gros Bâtard. Tu connais pas ce jeu-là? Tu connais pas ce jeu-là? Ah, toi, on t'en fait une équipe qui gagne. Comment? on ne change pas une équipe qui gagne. Ah oui, non, bah ça c'est sûr. Ah, c'est un message. Oui, oui, qu'est-ce qu'on doit traduire là-dedans? Le message est passé. C'est... Le message est passé. Bon, du coup, on parle de quoi avec toi, dis-moi, là, Virginie, là, qu'est-ce qui t'amène? Bah, j'aurais souhaité avoir des informations sur... parce que j'ai la chance de rentrer à l'école de la police. Ouais. Et je vous avais déjà contacté une première fois. Attends, tu veux faire la police? Bah bien sûr, pourquoi? Non, problème. Mais tu sais faire. Quoi? Pardon? Tu sais faire? Bah non, je vais apprendre, hein, je vais apprendre, c'est tout. Non, parce que imagine, on arrive là. On va arrêter, hein? Toff. Et voilà, tu vois Toff, t'arrêtes Toff, hein. La police est là, tu vois, tout le bordel est là. Ok, t'arrives, vas-y, la police arrive. Vas-y, Virginie, arrête-le. Et hop, t'arrives à sa hauteur. La voiture s'arrête. Cet enculé de Toff est là alors qu'il a fait que des jeux de poissons et tout. Voilà, c'est ça, il a fait que des conneries sur la route. Et arrête-le. Que des conneries, mais c'est énorme. Il mais justement, il arrête-le, arrête-le. Oh, mise en situation. Vas-y, Virginie, arrête-le. Hop, voilà, t'es à côté de Toff, donc tu tapes sur la fenêtre. Bonsoir, monsieur. Oui, oui, bonsoir, madame. Papier de véhicule s'est bouffé, carte de grise. Ouais, mais en fait, c'est la voiture de ma soeur, et elle me l'a prêtée, mais en fait, elle a oublié de me donner les papiers, donc du coup, j'avais pas les papiers pour venir. Mais si vous voulez, on va chez ma soeur pour aller les chercher. Alors là, je serais pas... Non. Ah bah oui, parce qu'alors j'ai pas les papiers, madame. J'ai appelé les collègues, 2 minutes. Oh, nique la police. Ouais, de toute façon. C'est une grosse. C'est des gros motards, la police, c'est des gros motards. Gros motards dans la police. Eh, gros motards. Bon, t'as appelé les collègues ou pas, là? Ils arrivent. Bah oui, mais enfin bon, il faut appeler les collègues, là, qu'est-ce que t'attends? Bah, ils arrivent, voilà. Oh là là, ça traîne. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Gendarmerie nationale, bonjour. Déjà, on dit pas gendarmerie nationale, si. On dit gendarmerie nationale, bonsoir, à qui est l'honneur? Gendarmerie nationale, je vous emmerde, qu'est-ce qui vous arrive? Allez, c'est vrai, et mon cul, c'est de la date en une cuisse. Dis donc, c'est pas comme ça que tu vas devenir agent de police, hein? Mais sous votre délire, enfin, dites. Bah oui, mais enfin bon, moi je te demande de t'entraîner, tu t'entraînes pas. Bon, alors Virginie, reste avec nous. Si vous êtes flic et que vous avez envie de donner un conseil à Virginie, bah n'hésitez pas. Il y aura Magali également dans quelques minutes là. Salut Mag. Coucou Mika. Coucou Mag, comment ça va? Bien et toi? Bah très bien, on va parler de quoi avec toi, ma belle? Bah écoute. Enfin, je te dis ma belle, je ne sais même pas si t'es belle, hein, mais. Bah écoute, combien mesures-tu? Il y a pas très longtemps, j'étais avec toi en ligne, hein. Avec moi ou avec Toff? Avec toi. Avec moi? Les deux. Enfin, oui, t'es passé à l'antenne, quoi. Ouais, mais combien tu mesurais ce jour? Ah oui, mais donc on a déjà fait un tour du propriétaire avec Toff. Oui. Ah bah il va se démerder, il va rechercher ses archives. Ah bah non. Ah si, tu vas chercher, t'as ton petit... Cherche, sale merde. T'as ton petit carnet, là, bah démerde-toi, ah bah là. Non. Ah bah si. Bon, alors, on va parler de quoi avec toi, Magali? Bah écoute, moi, entre ma copine et moi, il y a eu une fille que je connais, et elle arrête de harceler ma copine. D'accord, bon, et bah écoute, bouge pas Mag, on va en parler dans quelques minutes. Et puis bah dites-nous aussi par rapport aux jeux vidéo là, lesquels vous préférez, quel jeu vidéo vous préférez, et celui qui vous le fait, qui vous a le plus pris la tête, voilà, parce que vous perdiez tout le temps, hein, par exemple. Hein. On en parle, je vous mets le post sur Facebook pour que vous puissiez venir nous en parler aussi. facebook.com/MIKAELOfficiel. David Guetta et Showtech, ça te branche Magali, t'aimes bien? Oh ouais, super. Très bien, et bah on se met maintenant le son de Bad, il est 23h14 et on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. T'es déjà tombé sur une meuf cochonne, toi, ou pas? Ouais, ça m'est arrivé quand je travaillais au bowling en 97, toi. Ah oui, c'était hier, quoi. Mais c'est pour la liposuction, je te fais un prix. Mais tu vas liposuiter mon bide, toi. Tu fais quoi? Ton bide? Oui, mais c'est ça, c'est le principe. À Paris, on dit pas le bide, c'est le chibre. C'est ma bide. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exactement, on est en live sur Fun Radio. Et comme vous avez pu le remarquer, si vous avez raté l'émission d'hier, vous avez certainement raté pas mal de choses. Ouais. Et on aura évidemment l'occasion de... refaire ce magnifique chéri, je peux te faire cocu que nous avons eu l'occasion de faire hier. Il y a Baran également qui dit mon jeu préféré c'est FIFA 14 et le jeu qui me fait le plus chier c'est l'appli Flappy Bird. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Alors FIFA ça va, mais ça dépend. Il y a parfois parfois je maîtrise le truc et je suis au taquet. Et puis alors parfois c'est un drame quoi. Je suis une vraie passoire. Toff il passe son temps sur Candy Crush. Ouais. Je suis champion du monde de Candy Crush. Ouais, ouais, t'emballes pas non plus, hein, mais bon. Et il y a Théo qui dit moi c'est Call of Duty parce qu'il y a des campeurs et aussi Candy Crush Saga, c'est trop dur. Il y a Faust également qui dit GTA ça m'énerve quand je me fais buter. Ah oui, alors moi je joue aussi parfois, alors c'est pour passer le temps. Alors attendez, parce que je me souviens plus comment il s'appelle. C'est pour passer le temps, mais bah, ça va un petit peu. Puis après, mais il y a tellement rien à foutre sur le jeu, alors attendez. Où est-ce qu'il est? Je. Coin Dozer. C'est chiant. Coin Dozer, c'est quoi? Bah, c'est un, t'sais, un truc à la con là. C'est le truc qu'il y a dans les foires. Ouais, t'as des pièces qui tombent. Et puis tu sais, t'as un espèce de pavé comme ça qui avance, qui pousse les pièces, puis tu remets des pièces dedans. C'est chiant, et ça pousse, et en fait y a rien parce que c'est un truc qui va à l'infini. Et mais malgré tout, une fois que t'as commencé, t'as quand même envie d'évoluer, d'avoir de plus en plus de points, même si ça sert à rien. Ah. Voilà, donc tu joues un peu et puis voilà. Moi j'aime bien les trucs où tu domines. Contrairement à t'étonné, tiens. C'est tous les trucs de Free Fight, voilà, c'est et ça, les ouais. Command and Conquer et les trucs de stratégie, de domination et de conquête mondiale. Évidemment, et Sarasvati qui lit Spyro sur PlayStation 2 et sur PC Nostradamus, la dernière prophétie à un moment donné, je pète les plombs et JB également. Mes jeux préférés sont les Halo et Assassin's Creed. Celui sur lequel j'ai le plus galéré, c'est la famille Adams sur Super NES quand j'avais 6 ans. Ah oui, moi c'était sur Zelda à l'époque, sur Super NES puisqu'on en parlait. Et Cindy aussi, ouais. Moi attends c'est quoi? Moi un jeu que j'adore c'est Trial Evolution sur Xbox 360, il déchire tout même si à certains niveaux en extrême où je passe des heures avant d'y arriver mais je kiffe quand même. Bon bah écoute tu me diras, c'est le principal. Continuez de nous dire s'il y a des jeux, bah, quels sont les jeux que vous préférez et quels sont ceux sur lesquels vous avez le plus galérer, voilà, ce sera pas mal de venir nous en parler. Et puis on va récupérer aussi dans quelques minutes Virginie, tiens, Magali. Oui. Est-ce qu'il y a des jeux toi que tu peux qui t'ont rendu ouf? Est-ce que t'as déjà joué à des Tomb jeux Raider vidéo ou pas? Tomb Raider sur Xbox. Ah ouais. Pourquoi il t'a rendu ouf? Parce qu'il faut trouver les gens et tout là. Ah difficile. Ah ouais. Ah oui, bah j'imagine. Dans le bateau et tout, fou. Tu m'étonnes. Oh là là. Bon, dites-nous les autres, rappelez-nous, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On aura le je t'en mets. Non, pas ça, c'est demain ça. Le jeu de la rupture ce soir pour gagner une Nintendo Wii Mini. Si vous voulez la gagner, bah appelez-nous aussi hein, pour jouer. Le principe du jeu de la rupture, c'est que bah, vous êtes deux auditeurs, on appelle des gens au hasard et vous devez leur faire un petit speech de rupture comme si c'était votre copain ou votre copine avec qui vous cassiez. Voilà, tout simplement. Hein, on dirait, bah écoute, c'est fini, j'en peux plus, c'est trop. Meilleur exemple, Polo et Toff, imaginons qu'il s'appelle, Toff appelle Polo ring, et il tombe par ring, hasard évidemment. Hein. Ring. Non, je fais la sonnerie. Ah, vas-y. Tut. Tut. Oui, allô? Ouais, allô? Ouais. Ouais, voilà, écoute, je t'appelle parce que j'ai bien réfléchi. Attends, mais t'es qui toi? Ouais. Et pourquoi tu m'appelles en numéro masqué? Je comprends pas. Fais pas genre, tu me connais pas. Après autant de temps passé ensemble, tu sais, moi je. Mais t'es qui, fils de pute? Va enculer de ta mère, va. Non, mais écoute, je sais que ça te fait mal. Pourquoi tu m'appelles à ce temps-là, sale bâtard, va? Parce qu'on va se séparer. Mais je te connais pas. Et tu te trompes. Attends, c'est juste. Je sais que tu le vis mal, que ça te fait mal au cœur de me le dire. Écoute-moi, espèce d'enfant de putain, va t'arrêter de me casser les couilles ou j'appelle la police. Eh ben écoute, appelle la police, mais d'abord, écoute ce que j'ai à dire. Ouais, et bah justement. Tu es sur écoute. Enculé de ta mère. Je viens d'appeler les flics, tu es sur écoute. Enculé de ta mère. Le plus important, c'est que tu n'oublies pas, c'est que c'est fini entre nous. Voilà, et donc ça, c'est le principe. Donc le but, c'est de tenir le maximum de temps avant de se faire accrocher au nez par quelqu'un qui va certainement vous agresser, vous insulter, comme l'Apollo qui a fait un espèce de mix évidemment de tous les amis de Toff. Mais vous êtes un peu con, mon pauvre ami. Bah oui. Un connard de votre espèce à ce moment-là qui emmerde le monde et a rien foutre sur terre. Ça, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une démo de ce qu'il ne faut pas faire? C'est. Oui, alors démo de ce qu'il ne faut pas faire. Vas-y. On compose. Allez. Là, on est chez l'auditeur, hein, on l'entend pas, mais. Voilà. Oui, allô? Oui, allô? Ouais? Ouais, en fait, je vous appelle parce qu'il y a eu une rupture. Une rupture de quoi? De quoi? Des canalisations? Mais non, c'est parce qu'il y a eu une rupture. Rupture de quoi? Mais une rupture. Qu'est-ce que tu racontes? Il va te faire enculer. Paf. Hop là, et voilà, il est perdu. Donc ça, c'est une fois pas faire. Voilà, comme ça, vous avez bien capté la différence, j'espère en tout cas. Donc si vous voulez jouer à ce magnifique jeu, eh ben vous nous appelez 0-1-42-48-5000 ou 02-851-4x0 depuis la Belgique. Il y a le coup du mec, en fait, il lui raconte tout sauf la rupture. Ah oui, après, ouais. Et l'autre, il lui raconte la semaine dernière. Ouais, donc il faut pas draguer, hein, il faut casser avec la personne. Mais comme ça, au moins, c'est précisé. Avant de prendre Magali, il y a Mickaël avec nous de Bordeaux. Salut Mickaël. Salut. Quel magnifique prénom, et en plus t'es hindou. Ah oui. Oh, jeune beau. Ah, t'es hindou toi, hein? Ah oui, je suis hindou. Ah, et tu nous appelles pourquoi? Ben, c'était pour rentrer dans la team, on va dire, dans la team. Non, jeune doux, déjà il faut changer les mots, ce n'est pas une team, c'est une armée. C'est l'armée des doux. Voilà, on se rappelle que les doux, ce sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué. Alors, je te présente Polo, ton nouveau général. Enchanté, jeune doux. Mets-toi à genoux, le doux. Tu es à genoux? Oui. Quel âge as-tu? 15 ans. Parfait. Est-ce que tu es doux? C'est un vieux doux, hein? Oui. Tu n'as pas de poils sur le corps? Non. Bon, quel est ton prénom? Mickaël. Très bien. Mickaël, insulte-toi copieusement. Je suis une grosse salope. Je me ferme sur les seins. Ah. Encore? Je suis une pute. Je suis des bites. Très bien. Maintenant... Pour confirmer ta venue. Pour valider. Pour valider et afin de t'adouber, tape-toi ton téléphone sur la tête. Encore. Ça sonne un peu creux quand même. Oui, ça sonne creux, il va falloir remplir un peu ça. Hein. Bon, tu es assis, le doux. Tu deviens doux, tu fais partie de l'armée des doux. D'où tu es, d'où tu resteras. Allez, voilà. Bienvenue dans la confrérie des doux. Eh ben voilà, Mickaël. La bienvenue, hein. Ben merci. Eh ben je t'en prie, écoute avec plaisir. Par contre, il va falloir mettre un peu de matière grise là-dedans parce que ça résonnait un peu quand t'as tapé sur ta tête. Hein. Ah oui. C'est, donc c'était trop d'insultes. Exactement, faut faire attention là. D'accord. Bon, eh ben Mickaël, bah merci d'écouter Fun Radio et puis n'hésite pas à prévenir tous tes potes que tu passes à la radio et que c'est sur Fun Radio que ça se passe. Bah merci à vous, hein, de faire une émission super. Eh ben c'est gentil. T'es dans quel bahut, Mika? Je suis au collège François Mitterrand. D'accord. Où ça? À Bordeaux, dans Créon précisément. D'accord, ok. Eh ben écoute, merci d'avoir appelé. À bientôt, Mika. Et tu restes là, on va te filer un pack fun. Voilà, merci. Salut. Ciao à toi. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Y a Camille avec un K qui dit j'écoute pas l'émission, je révise. Mais le jeu qui m'a pris la tête, c'est Tomb Raider. Ah oui, parce que j'ai mis le post sur Facebook, si pour réagir. Et Roms qui dit moi j'ai passé grave de temps sur Gran Turismo sur PlayStation 2. Et Kubra aussi. Moi GTA, je ne sais pas jouer, mais ça m'amuse de voler les voitures et de tuer les gens. Moi, ce qui m'est, on c'est en parle. Principe, hein. Alors, je peux raconter une anecdote. Dis-moi. Et on en parlait hier, là, les vieux PC, les vieux trucs de Commodore, et Amstrad. En fait, il fut un temps, quand j'étais petit, j'avais un Amstrad CPC 464 à cassette. Donc, est-ce que vous vous souvenez là? Seuls les initiés se souviendront. Donc, t'étais obligé de télécharger toute la cassette. Exact. Pour avoir le jeu. Donc, je télécharge toute la cassette et quand le jeu s'est arrêté. Et bah tu sais quoi, read error B, donc j'avais pas de jeu. Et donc j'ai éclaté le clavier par terre. T'as des tendances un peu nerveuses, non? Mais non, mais tu t'imagines. Déjà à l'époque. On ne se rend pas compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui. Déjà petit, il était nerveux. Oui, j'ai toujours été. Et en fait, non, mais tu te rends pas compte, ça mettait 20 minutes une demi-heure à charge. Je sais bien. Mais oui, moi je jouais à Indiana Jones, il fallait mettre 5 disquettes avant que le jeu démarre. Et encore, et puis voilà le jeu aussi. Hein. Il fallait mettre 5 disquettes, et Indiana Jones, ça n'était qu'un pixel de 3 couleurs. T'sais. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'était violent. Hein. Bon, alors, on aura dans quelques minutes Virginie, on a des bonnes nouvelles, on a peut-être un flic qui va te donner des conseils, Virginie. Cool. Voilà, donc si vous êtes de la police, parce qu'elle veut rentrer dans la police, Virginie, et donc elle voulait des conseils, donc allez, appelez-nous la police, là, 01 42 48 5000. En tout cas, tout honneur, hein. Bah oui, donc, ça, c'est sûr. Hein. Oh, bah, c'est toujours vu. Non, mais je préfère préciser. Oui, et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, Virginie, reste avec nous. Magali, alors, qu'est-ce qui t'amène, toi, Magali, là, à Avignon? Bah écoute, comme je t'ai dit... Bah oui, donc t'as une meuf, donc t'aimes les femmes qui aiment les femmes. Et est-ce que sur le pont d'Avignon, on y danse et on y danse tous en rond? Sur le pont. Oh, je peux jouer du pipo. Ah, on nostalgie, t'es nostalgique là. Oh là, là. Allez. Oh. Ah, la dédicace. Voilà, bon, ça faisait longtemps. Allez, hop, passons aux choses. Donc, t'es avec une meuf. Donc, t'aimes les meufs qui aiment les meufs. Oui, voilà. Voilà. Et donc, il y a une meuf qui est intéressée par moi. Ouais. Mais t'es maquée, toi. Ouais. Bon, ok. Alors, donc, ouais, ok, d'accord. Et elle arrête pas de parler, en fait, sur un site ma meuf. Ah, parce que bon, déjà je la connais, hein. je la connais, mais moi je lui parle pas en fait. D'accord. Et elle l'a rencontré sur un site. Oui. Et du coup, elle n'arrête pas de l'harceler en lui disant qu'elle va m'attraper, m'embrasser quelque part et tout. Mmh. Elle est en train de te chauffer, quoi. Ouais, voilà. Elle chauffe surtout ma copine à l'énerver. Oh là là là. Hey, vous voulez pas faire un truc à trois, je filme. Je viens avec Toff. Ah bah tu viens à l'étudio, nous on est équipés, les caméras et tout, là, on va enlever la poussière. Non. On a enlevé la couche de poussière. Bah oui, mais on a enlevé la poussière là. Je pense que ça se tira. Eh mais si on filme et tout, mais ça reste entre nous. Alors, bien on est sûr, avec Christophe. On est sur YouTube. Christophe et moi, et Mickaël il filme, et moi et Christophe on vous regarde. Non, promis, on vous touche pas. Bah attention, c'est dans le but de faire une vraie enquête tu vois, sociologique. Voilà, ouais. Bien entendu. Hein, c'est tout à fait c'est du travail, tout ça. Hein, on est des scientifiques. Mais c'est pour la science, exactement. C'est pour la science. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, du coup, alors, Mag? Eh ben, écoute, j'ai eu du mal déjà à convaincre ma copine que bon, il se passera rien avec elle. Bah oui, forcément, si elle te chauffe, ouais. Je vais directement aller la voir, ma copine, parce que j'ai eu des hauts, des bas, au bout d'un moment... Ouais, la vie, c'est comme ça. C'est rien passé. Oui, oui, bah je sais bien, ouais. Et je suis allée au taquet, je suis allée lui parler, parce que bon, j'étais à un moment au téléphone avec votre ligne. Ouais. Au bout d'un moment, j'ai dit, allez, faut que je fonce, parce que là, stop, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mec? Je comprends pas. Bah, ce serait bien que si elle m'entende... Bah, sinon on l'appelle. Attends, mais tu veux qu'on l'appelle qui? La copine ou la meuf qui arrête pas de te chauffer? Appelle ma copine déjà. Bon, non, et tu veux qu'on lui dise quoi? Bah, dites-lui que, voilà. Que tu l'aimes. Ah bah, je vais l'appeler, voilà, voilà. Que je lui appartienne bien. Bon, on va l'appeler dans quelques minutes, le temps d'écouter Shakira, d'accord? Y'a pas de soucis. Bon, bah, bouge pas, Magali. Et puis, ça tombe bien, parce que les appels qu'on va faire dans quelques minutes avec Toff, c'est grâce à Cameron Diaz, hein, comme d'habitude. Tu connais Cameron, Magali? Carrément. Une habituée de l'émission, qui nous a encore fait une petite déclaration ce matin. Hein. Ah. Bon, pas d'amour, hein, je vous rassure. Et donc, comme elle a 41 ans et qu'elle est toujours célibataire, elle a déclaré qu'elle ne s'interdisait plus rien, même de faire ménage à trois. Ah bah la raison, voilà. Je suis disponible. Bah, voilà. Donc si elle est bien, troisième. Ouais. Pourquoi pas? Bah tiens, et si elle est bien avec plusieurs mecs, bah pourquoi pas en profiter? Bah oui. Bah voilà. Bah, donc comme elle avait dit, hein, toutes les femmes ont un petit côté bi, hein, quand même. Exactement, c'est ce qu'elle avait dit. Tu suis bien l'émission, bravo à toi. Bon, et donc du coup, bah Toff, on va appeler des amis dans quelques minutes. Ah bah évidemment. Bah évidemment, pour leur poser la question, bien entendu. Un connard de votre espèce à ce moment-là qui emmerde le monde et a rien foutre sur terre. Voilà, bon, donc on va l'appeler dans quelques minutes. Et vous, bah dites-nous, est-ce que vous seriez prêt à faire ménage à 3? Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Magali, tu restes avec nous. Virginie, on va la récupérer dans quelques instants. Il y aura la colle avec Anna, le retour avec Bilal et Mehdi pour faire le jeu de la rupture. C'est ce qui va arriver sur Fun Radio. Le temps d'écouter, bah comme je l'avais promis, Shakira, c'est Dar La La La sur Fun Radio. Lego. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est toujours en direct évidemment sur Fun Radio, 23h33. Et on disait Sonic sur Mega Drive, c'était bon là. Il y avait Girls and Ghosts aussi, Street Fighter sur Super NES et Philou. Et Valou qui dit perso, je préfère m'ennuyer seul dans mon lit que de faire un plan à plusieurs. Ouais, bah moi je suis... Non, moi c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Enfin, ça m'attire pas du tout en fait, faire un plan plusieurs. C'est un truc que j'ai jamais essayé. Ouais, j'ai moi non plus. Ça m'intéresse pas des masses. Bah moi j'ai essayé, c'était pas terrible. Ah ouais, mais bon, c'est peut-être parce que t'étais le plusieurs. Peut-être. C'était la pièce rapportée dans le truc. Il y a Laurent Xaliel qui dit j'attends toujours mon message de bienvenue. Bah tiens. Vous voilà. Êtes un peu con, mon pauvre ami. Voilà, hop là, il est passé, tu disais? Non, moi je pense pour ça, il mériterait d'être puni. Oui, c'est vrai. Mickaël. Pourquoi? Comme ça. Ah d'accord. Ouais, c'est une. Non, bah non, parce qu'on va faire les appels. Ah oui, on va faire les appels. On va récupérer Magali juste après, on appellera la copine. Il y aura le jeu de la rupture avec Mehdi, avec Bilal. Et puis, c'est parti. Hein, donc, comme Cameron Diaz nous a encore annoncé qu'elle était pour les plans à 3. Oui. Voilà. Et du coup, on va appeler des gens, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Ah plein, on en a plein. Exactement. Et donc du coup, on les appelle et tu vas leur demander s'ils ont déjà pratiqué le plan à 3. Non, je vais leur demander s'ils sont prêts. S'ils sont prêts à faire un plan à 3. D'accord, oui, okay. Pas trop vite. Allez, bah c'est parti, on y va, on appelle maintenant, 23h34, le jeu de la rupture à suivre également. Et tous les messages qui arrivent en direct sur le Twitter. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous seriez ouverte pour un ménage à 3. Mais on peut, vous pouvez aussi vous faire foutre tout seul, hein, non? Oui, mais je vois pas le rapport, madame. Ah ben écoutez, oui, hein, moi je le vois. Mais c'est quoi, madame, le rapport? Allez, gros con, on va te faire foutre. Mais non, mais allô? Ah oui, non, mais allô, ça a même sauté, dis donc, t'as vu? Bon, on rappelle. Ah oui. Gros con, c'est bien ça aussi, ça. Ouais. Bon, pas aussi bien que notre ami. Quoi qu'il avait quand même dit, il était un peu con. Oui, allô? Oui, bon, bonsoir monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais j'étais pas bien sûr de sa réponse. Oui, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, en fait, je voulais savoir si vous seriez ouvert à un ménage à trois. Écoute, si tu veux, tu me donnes ton nom et toi, je viens te voir, je viens t'enculer, moi. Ça te va? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Oui, oui, mais si tu veux, je viens t'enculer quand tu veux. Ben, si vous voulez, monsieur. Alors, donc, moi, je suis 20. Oui. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais, va te faire enculer, va, toi et ta famille, va, au PD, va. Pourquoi vous me dites ça, monsieur? Va te faire enculer, je te dis. Mais enfin, monsieur, ça se dit pas. Si tu m'appelles encore, va te faire enculer, je te dis. Je vais te faire identifier le numéro, je vais venir te mettre bien comme il faut, moi. Mais je peux vous donner mon numéro, monsieur, si oui, vous oui, voulez. Oui, oui, oui, va te faire enculer, je t'ai déjà dit. Mais oui, mais pourquoi vous voulez mon numéro si vous le prenez pas, si monsieur? Si tu m'appelles encore, je te fais un machin, tu m'appelles répétitif, je vais te mettre dans la merde, t'as compris? Oui, j'ai compris, monsieur, mais je vois pas le rapport. Ah ben le rapport c'est qu'il a raccroché. Ah bah non. Si tu te rappelles encore une fois, il va te mettre dans la merde. Bon bah tant pis alors. Bon bah on va le rappeler surtout. Bah oui. Alors, si en plus il propose de te mettre dans la merde, hein, nous on passe pas à côté. Hein. Allez. Tiens gros débile. Ah non monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Oh. Attendez, moi je vous appelais gentiment pour vous poser une petite question et puis c'est vous qui m'agressez monsieur. D'accord, pas de soucis. Allez, va jouer avec les gosses de ta rue, va. Bah oui mais enfin monsieur, c'est pas gentil ce que vous dites. Non, bah, va jouer avec les gosses de ta rue, va jouer avec les gosses de ta rue, il a raison. Non, bah, je vais bon, y aller. Bah oui, on en fera d'autres tout à l'heure des appels. Si vous avez des numéros à proposer, n'hésitez pas, hein, sur le mail de Toff, toph@radio.fr, comme d'hab. Il y a Nico sur le Twitter, je vous suis jusqu'à 2h du mat, normal, je suis en vacances, ça gère. Cool, Nico, profite bien. Florian également, vous êtes juste une bande de copains qui nous font vivre des soirées sans ennui. Eh ben, c'est le but. Eh ben, merci Florian pour le message, c'est très gentil. Et Washington Whitey qui dit, moi, c'est Battlefield 4 qui est mon jeu qui m'a le plus saoulé, car c'est les beaux jeux qui m'a le plus saoulé, pardon, c'est Tomb Raider. Et Larry qui dit, j'ai pas de jeux qui m'ont pris la tête. Celui que j'ai aimé, c'est Uncharted. Et alors, message qui dit, moi, j'adore Zelda, je suis fan, mais par contre, je déteste les jeux flippants. Moi, je suis pas trop fan des jeux de guerre, en revanche. Ouais, oh, non, si. Mais moi non plus, moi les Call of et pas tout, je suis pas fan. Ouais, si, je suis pas fan des trucs de bagnole. Ouais, mais pourtant. Pourtant quoi? Bah. Bah, justement, c'est tout ce que je peux pas mettre sur la route que je mets dans les jeux. Ah, d'accord, ok, parce que comme ils roulent en autolib, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme les vélib, mais en voiture. Voilà, c'est ça, voilà, voiture électrique. C'est une voiture qui monte à 50 à l'heure quand t'as le vent dans le dos. 65. Quand même, en excès de vitesse alors. Ah oui, oui, oui. Bah oui, parce que j'ai reçu un PV. Non, déjà, bah bien vu, c'est pas mal. Bon, on va prendre, on va se faire le jeu de la rupture maintenant avec Mehdi, avec Bilal. Et juste après, on a le numéro de Magali, on va l'appeler. Virginie parle par rapport à la police également. Et Mehdi, on accueille Mehdi de Montbeuge. Salut Mehdi. Salut Mika. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien Mehdi, bienvenue à toi. Bilal en face de toi de Bordeaux. Eh ben, c'est vraiment le nord et le sud ça. Bilal donc, qui veut également jouer au jeu de la rupture. Comment va Bilal? Salut, comment va tout le monde? Eh ben écoute, tout le monde va bien plutôt là, plutôt tranquille Bilal. Ouais, voilà, lier les bienvenus tous les deux. Le principe est donc extrêmement simple. Je vais quand même le répéter au cas où. On a fait une belle démo avec Polo. On a fait une belle démo également avec Polo et Toff tout à l'heure. Le principe est simple, on va donc appeler des gens au hasard. Évidemment, chacun votre tour. Vous allez devoir parler comme si vous étiez en train de faire une rupture, de casser avec votre copain ou votre copine. Ok? Évidemment, on ne sait pas si on va tomber sur un vieux, sur un jeune, sur une fille, sur un garçon, on ne sait pas du tout. Donc il va falloir adapter en fonction, d'accord? Ok, ça marche. Qui veut commencer, okay. Mehdi ou Bilal? Allez Mehdi, je te laisse l'honneur. Non, moi je te laisse l'honneur, allez, Bilal. Eh ben, du coup Bilal, on va commencer par toi. Hein. Allez, okay, c'est parti. On y va, dès que t'entends plus la petite musique en dessous de toi là, eh ben tu dis allô, on y va, on appelle, je te souhaite bonne chance. Pas de questions Bilal, t'as tout compris? Ouais, ouais, nickel. Parfait, allez, bonne chance alors. Ah bon, on commence bien la semaine. Bon, bah on va l'appeler un autre. Hein. Il a pas envie lui. Hein. Non, bah ça arrive. Il y a des jours comme ça, c'est pas grave. Bon, Bilal, on en appelle un autre. Dès qu'il y a plus de musique, tu dis allô, hein, oublie pas. On est à la maison avec papa et maman. Déjà un message. Un milliard. Non, c'est un répondeur. Oh, putain, c'est un répondeur. C'est le répondeur. Je me dis, qu'est-ce qu'il fout le bois encore à cette heure-ci, celle-là. Bon, allez hop, on appelle à l'autre. On a du bol. C'est parfait. On y va. On enchaîne. Bilal, sois prêt. J'espère que cette fois-ci, ça va vraiment décrocher. Allô ? Allô ? Oh là là, la poisse ! Un dixième de seconde, tu as perdu. Putain. C'est mauvais, Bilal. C'est mauvais. Bon, on rappelle, Bilal. Ouais. Un autre. Putain, on a bu la poisse. Un qui décroche pas. Allez. Allô. Allô, allô. Ah. Allô. Ouais, c'est moi. Ça va? C'est qui? Ouais, c'est moi, François. C'est pas le mec qui me reconnaît pas, hein. Allô. Je vois pas c'est qui, là. Enchaîne. Bah, si, tu me reconnais pas, tu fais comme si tu me reconnaissais pas. Enchaîne. Allô. C'est qui, là? Mais c'est moi, François. Parle pas de moi, attends, on a... On s'est vu. Les soirées qu'on a passées ensemble et tout... Soirées qu'on a passées ensemble. T'es pédé, c'est quoi? T'es pédé. C'est quoi? Deux. C'est homosexuel. Mais attends, tu fais semblant, quoi? Comment ça, je fais semblant de quoi, tu penses? Bah, François, me dis pas que tu me reconnais pas, quand même. Non, je connais pas, je vois pas. Bah ouais, non, mais attends, toutes les soirées qu'on a passées ensemble, les nuits qu'on a passées ensemble... Mais ouais, mais Bilal, il faut rompre, là. Il faut rompre, là, il faut... Enfin, il nous entend pas, mais... Entre nous, c'est fini. Ah. Non, fais pas semblant, voilà. Moi, je reconnais ta voix. Arrête, hein. De moi, tu te trompes, là. Non, moi, je me trompe pas. T'es pas la bonne personne, en fait. Je me trompe pas du tout. Attends, j'ai fait ton numéro, je me trompe pas. En plus de ça, je reconnais ta voix. T'as fait quel numéro? Bah, c'est ton numéro à toi. C'est pas le mec qui me reconnaît pas. Mais ouais, dis-le moi, que je vois, c'est ça. Non, mais j'ai pas besoin de te le dire, hein. Tu sais très bien qui je suis, hein. Attends, tu... En espace de... Je sais pas... Si tu m'oublies comme ça, c'est pas cool. Franchement, moi, je te dis, c'est fini entre nous. C'est fini. C'est bon, ouais. Tous les coups que tu m'as fait... Ah, puis il est parti. Ce qui nous Allô a fait 1 minute 43. 43, exactement. C'est pas mal. Ouais. Beau score, Bilal. Ouais, mais bon, j'aurais préféré tomber sur une meuf, hein. Ah mais bah non, oui, mais ouais, ça, mais... Et on choisit bien. Pas, hein. J'ai beaucoup aimé le... Tu es pédé ou quoi? Ouais. Tu es homosexuel. C'était un bon client, le mec, hein. Ouais, non, il avait l'air bien chaud et tout. Bon, allez, Mehdi, on y va, on enchaîne. T'es prêt? Ouais. Bon, il faut faire mieux qu'une minute 42, hein, et c'est vrai que le score est quand même balèze. Donc vas-y, on te souhaite bonne chance. Il y aura une deuxième manche après la pub de toute façon, hein, vous inquiétez pas. Mehdi, putain, il faut allô dire allô. Ah. Allô. Ouais, ça va. Ouais, c'est qui? Allô. Mais c'est moi. Tu m'entends? Allô. Ouais, il a raccroché. Ouais, tu m'entends? T'es sûr? Ouais, il a raccroché. Ah ouais, eh ben voilà, eh ben bravo là, 20 secondes. Bravo Mehdi, c'est oh bon là. Mais enchaîne, mais Mehdi. Moi je dis que ça a bugué, hein. Mais non, ça a pas bugué, c'est le mec qui était mauvais, que Mehdi. Parle. Mais non, mais il faut enchaîner, le mec il te connaît pas, il faut enchaîner. Tu commences à parler, tu dis pas ouais, tu m'entends, t'es là, tu m'entends, t'es là, t'es qui? Enfin tu vois, il faut enchaîner, n'hésitez pas. Bon, c'est pas grave, Mehdi, de toute façon il y a une deuxième manche, rien n'est perdu. Si ça se trouve, Bilal après va faire un score de merde et toi tu vas faire mieux qu'une minute 42 et résultat, c'est toi qui repars avec la Nintendo, la Wii Mini. Donc reste avec nous, Bilal, reste avec nous, Mehdi, on va revenir avec toi et avec vous deux d'ailleurs dans quelques minutes. Le temps de récupérer Magali. Magali, t'es là, Magali? Oui, toujours là. Bon, on va appeler ta meuf alors maintenant. Ah. Bah oui, hein. On va l'appeler. Broter du minou. Exactement, ouais. Donc on va l'appeler parce que en gros tu es tombé sur une meuf sur internet qui te draguait, etc. Et tu veux lui faire croire, enfin pas lui faire croire, mais simplement prouver à ta copine que en gros t'en as rien à foutre de l'autre et que c'est elle qui compte. Bien sûr. Bon, eh ben écoute, on va y aller. Bah tu lui parles alors. Bien sûr, pas de problème. Bon, allez, vas-y. Elle s'appelle comment, Magali? Jessica. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Et si tu t'as besoin de nous, nous on est derrière, tu nous appelles, on parle, ouais, d'accord. Tu lui parles, de toute façon, tu lui laisses un message vocal pour son anniversaire. Ouais, bah justement, bah parle-lui au début, je parlerai après. Y'a pas de soucis. Bien entendu, quand elle va dire qu'on est en direct sur Fun Radio, je ne parlerai pas, bien entendu. Comme d'habitude, un gros enculé que je suis. Allô? Allô, mon cœur? Non. Ça va? Non. C'est quoi? Bonne de merde. Non. Ah, puis, elle a la rapide, sa meuf, hein. Ouais, elle est contente. Ouais. Ouais. Tu dors? Non, je dors pas. Ah bah dis donc, faut pas demander. Ah, putain. Oh là là. On va s'embête pas l'autre. Non, pas mon message tout à l'heure. On comprend rien. Elle t'a laissé encore un message. On comprend rien. Elle t'a laissé quoi encore? Je sais pas. Ah, ça j'ai compris. Je vais pas chercher à lire, je sais plus comment dire. Tu comprends pas ce qu'elle dit, hein. Bon, ah, elle doit avoir un décodeur à mon avis, parce que moi... Elle compte pas, hein. Et parce qu'elle a l'habitude. Et pour l'instant, la Paloma m'a débattu sur Google. Bah, il a raison. Mais c'est quoi cette conversation? J'ai un truc à te dire. Ah, c'est une conversation, c'est quand t'es en général, l'un parle. Mais attends, c'est abusé. Oh mon Dieu. Je sais. Mika, C'est mis une balle ou... Attends, je vais intervenir parce que là... Radio Suicide, bonjour. Ouais, quoi? Vous avez décidé de mettre fin à vos jours, nous pouvons vous y aider. C'est le message que pour ton anniversaire qui a été laissé. Mm-hmm. Eh ben, il est là, aussi. Eh oui, c'est le Père Noël. Eh ouais. Il est avec moi. Sinon, c'est toujours happy comme ça chez vous? Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on n'était pas obligé d'appeler Jessica, la discussion aurait été à peu près pareille. Hein. Non, mais elle est encore enfermée. Ah, non, mais là, elle n'est pas renfermée, elle est enfermée, là. Enfermée, ouais, voilà. Non, mais Jessica, faut sortir de là, on t'a mis dans une boîte? Non. Ah bon, d'accord, non, parce qu'à un moment, on a cru quand tu même. Tu vois, elle t'a entendu ça, tu vois, elle rigole. Ah, mais oui, je sais ce que je fais, c'était fait à tout le monde. Eh, vous pouvez vous toucher un peu là par téléphone, ça m'excite. Ah, ouais, bah oui, par téléphone. Hein, les gars, on va venir filmer, nous. Ouais. On a un drone, on va pouvoir vous filmer d'avion. Exactement. On va faire des plans de haut et tout, ça va être trop bien. Hop là, ça y est, on a sorti la caméra, on est prêts. Action, les filles, on est là. Allez, c'est parti, on se croûte le minou. Allez, vas-y. Acte 1, scène 1. Allez. Allez! Moi j'ai fait des gros bisous, hein! Non mais plus! Oh mais toi tu fais quoi là? C'est carrément un léchage de. Ah, c'est un bouffage de chat, oui, c'est ça, exactement! C'est ce que je voulais faire! Mais... Bon bah tant pis! Bon bah les filles! Bouffage, là. Bon, c'était génial! C'était magnifique! J'ai bandé comme un âne! Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio, Fun Radio. Bon, et restez là, puisque dans quelques minutes, je vous mets le son de Fallen Wall avec Changes sur Fun Radio, et puis évidemment, à récupérer Magali, on fait des gros bisous à Magali, et puis à Jessica, puis on continue de discuter en antenne, hein, au cas où. Au cas où, il y en a une de deux qui sont dehors. Alors qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Voilà, on sait jamais, quoi. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et effectivement, on est en direct, vous balancez comme d'habitude tous vos messages. Si vous voulez taper la discute avec nous, n'hésitez pas, vous envoyez ça dès maintenant si vous voulez, hein, sur le Twitter, hashtag Mickaël. D'ailleurs, on peut faire un petit point top tweetos peut-être? Bien sûr. Allez, va, dégage. D'accord, ok. Bon, d'accord. Bon, alors, non, bah, vas-y quand même, on va pas l'écouter. Numéro 5, Julien. C'est donc culé. Hein. Non, oh, bon, alors oui, donc Julien, numéro 4. Fredes34. Très bien, numéro... 2. 3. 3, pardon, oui, c'est ça. Prismatique. Très bien. Et enfin, le numéro 2. Florian. Et enfin, le numéro 1. 69 degrés. Très bien. Bon, bah voilà, du coup, vous le savez, on récompense le numéro 1. Donc, bah pour l'instant, c'est 69 degrés. Reste encore 2h08 d'émission. Donc, on a encore le temps de tout faire changer. Si vous avez envie de participer, bah, il suffit de balancer vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il y a Prismatique qui dit j'ai un livre de Maupassant à lire, mais la place je t'écoute. Bah, c'est bien aussi Prismatique. Voilà, Flavien aussi, Mickaël tape sur Google, Kristen Witherby. Je suis sûr elle va vous plaire. Ah ouais, vas-y tape Polo là pour voir là, Kristen Witherby. Ouais, celle de tout à l'heure là. Ouais, mais j'ai pas vu, toi t'étais en train de te palucher, moi j'ai rien vu, moi j'étais loin là d'écran là. Bon, attends, Kristen Weatherby. Alors, à quoi elle ressemble, la petite Kristen, là? Je suis curieux de voir. Ouais, mais j'ai écrit ça à l'arrache. Hein, ouais, bon, on s'en fout. Ouais, Google va corriger. Kristen Weatherby. Kristen. Tu l'as, toffe? Kristen. Non, moi, j'ai un village. Oh, putain. Kristen Weatherby. Ouais, enfin, bon, vous savez pas écrire, alors, bien que... Mais c'est, elle a un nom de merde, Kristen, K-R-I-I-S-T-E-N, ah bah oui. Espace Weatherby, W-E-T-H-E-R-B-2-E. Ah, oui, ah oui. Oh là là, vous êtes pas bon, là, hein, quand si, même. Si, hein. si, on est très bien. Bon, alors... On est très bien, non, mais moi, je veux voir, mais c'est là. Elle, là. Attention, non, mais je veux voir. Tiens. Bon, alors, attends. Oh là là. mais c'est qui? Bah c'est une bombe de meuf. Non bah bien sûr, mais elle sort d'où? Je veux dire, elle fait quoi Oh là là là là là là là là là là là là là. Ah ouais, ah ouais. Là je préfère moi que. Ouais, j'ai exactement ce que j'allais dire, je préfère petit décolleté. Ah ouais, non, bah non. En fait, non. Ah non, non, non, non, non, non, elle est bien roulée, évidemment. Mais non, je préfère Kulu. Kuala Lumpur. Non, bah non, Kueko. Kueko. Non, Kueko. Ouais, mais son prénom, c'est quoi? Je sais plus. C'est Kueko, Kuelo. Enfin, bon, bref, elle joue dans. Eh ben, même problème qu'hier, même heure, hein, j'ai oublié, nous voit. Big Bang Theory. The Big Bang Theory, exactement. C'est la petite blonde qui est mignonne déjà dans la série et qui est encore plus mignonne quand vous tapez. Kylie Coco, Kueko, pardon, enfin Kuoko, voilà. C-U-O-C-O. Exactement, tapez ça sur Google, je peux vous assurer que... Non, je suis désolé, je peux pas te laisser dire que... C'est du lourd. Non, je peux pas. Bah elle est mieux. Oui, mais ça c'est Kristen. Ah non, et l'autre, son maillot. Ah, elle est là, avec le... Elle est dessinée au Superman, là, elle est dessinée... Oh là là là là là là là. Je peux pas. Non, elle est bien, mais c'est son visage que j'aime pas trop là. Ah non, moi je préfère. Kuoko là. Ah ouais, si, oh, bah, sans hésiter. Ah non, non, Christelle, moi. Ah bah non, bah non. Quand elle veut. Bah non, bah oui. Oh là là, ça veut dire jamais dans l'absolu. Oh là là là. Oh là là là là. Bah la putain, ta grand-mère. Non, mais elle est bien, évidemment qu'elle est bien. Évidemment, je dis pas le contraire. Je pense aux auditeurs parce qu'ils sont un peu déçus. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, alors il y a Flavien qui dit aussi salut, moi le jeu vidéo qui m'a saoulé, c'est Devil May Cry 4. Et le jeu vidéo que j'ai kiffé, c'est Ninja Gaiden. C'est Gaiden. Et alors Jojo78 qui dit toujours aussi sympa, les amis de Tof. Ah bah, toujours. Et Vladimir Poutine, en fait, je me rends compte que je suis devenu accro totalement à Mickaël No Limite. Ah bon? Mais tu serais pas le seul a priori. Mais a priori tu ne serais pas le seul, hein, c'est vu le dernier résultat d'audience, c'est vrai. Et Baby George My Love qui dit Flappy Bird a bien fait chier, Angry Birds aussi. J'ai un truc aussi contre les oiseaux. Et alors Héroïne également. Moi mon jeu préféré c'est GTA. Mathieu qui dit moi ses préférés c'est Street Fighter X Tekken et Street Fighter 2 Turbo Revival. Et celui qui m'a fait le plus rager c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Donc voilà, bah, continuez à nous dire hein, ceux qui les jeux vidéo que vous avez préférés, les jeux vidéo qui vous ont le plus complètement pris la tête. Voilà, donc vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. D'ailleurs, on était avec les jeux vidéo et on a Anthony qui est avec nous, là, 20 ans de Charleroi. Salut Anthony. Anthony. Oui. Ah, ça va Anthony? Ça va et toi? Très bien, on sera à Charleroi dimanche, tu passes nous voir, j'espère. Bien sûr. Ah, 20, on sera entre 20h et, 20, et minuit, pardon. On sera à la friterie Alba, donc c'est à Charleroi. Vous passez nous voir, on ouais. sera là. Tov va faire la cuisine. Moi, je vais faire la caisse. Polo va faire le service. Autant vous dire que ça risque d'être plutôt sympa. Ça va tourner grave. Je confirme. Donc, si vous voulez venir, en plus, on fera des menus Mickaël No Limite. Ouais. Ah là, il faudra aller deviner tout ça, bref, ça va être la folie. Moi, je ferai le menu 99. Et oui, bah tant mieux. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes sur Charleroi, vous n'avez aucune excuse. Si vous êtes sur la Louvière, Bruxelles, Mons, Dour, Tournai en Belgique, et ben, vous allez pouvoir venir aussi. C'est pas très très loin dans l'idée. Et même si vous êtes à la frontière française, hein, Valenciennes, le Nord-Pas-de-Calais dans l'idée aussi. Jusqu'à Charleville, ça le fait. Ouais, jusqu'à Charleville, vous pouvez venir aussi sans problème. Il n'y a aucun souci. En plus, on ne viendra pas les mains vides. On sera même chargé de cadeaux. Oh là là. Voilà, comme ça vous savez tout, Friterie Alba, donc on sera là dimanche 20h minuit en direct sur Fun Radio, partout en France et partout en Belgique. Bon alors Anthony, tu voulais réagir au niveau des jeux vidéo toi? C'est ça. Alors avant de refaire la suite de la rupture avec Mehdi et Bilal, c'est quoi ton jeu vidéo? Le jeu vidéo que tu préfères? FIFA 14. D'accord, et le jeu vidéo qui t'a rendu le plus ouf parce que t'arrives pas à la fin ou parce que tu galères ou t'as galéré? FIFA 14 aussi. Mais tu joues à quel niveau FIFA 14? Ouais, attends, FIFA 14. Tu joues à quel niveau? Parce que moi je joue à World Class. Quoi, t'es World Class dans FIFA? Ouais, World non, Class. Non, semi-pro. Ah toi semi-pro, mais je te mets ta race mec, hein. pa direct. Ouais, il cache bien son jeu quand même. Hein. Ah, World ouais, Class. World Class, ouais. Bon, hier je me suis pris 2-0 dans la gueule, mais sinon j'ai déjà mis des bons trucs. Bon, évidemment je joue avec le Real, hein. Je joue pas avec Rennes ou enfin pardon pour Rennes, hein, mais je parle en termes de level. Ouais, quoi. Tu voilà. pourrais jouer avec Guingamp. Hein. Oui, bah par exemple, ouais, ou voilà, Paris. Ça. Bah non, Paris c'est facile de gagner avec eux. Ah bon? Bah ils ont une bonne équipe, c'est comme le Real ou ouais, Barcelone, c'est vrai, on etc. Est bon. Bah oui. Bon alors du coup, donc Anthony, toi c'est FIFA 14. Il y a aucun autre jeu? T'as jamais joué à rien d'autre? Si, il y a plein de jeux, mais bon, des fois je l'ai fini, alors ça recommence. Ah, des fois tu finis, alors tu recommences. C'est comme, à quel intérêt? Je sais pas, c'est pour plaisir. Mais ouais, je connaissais un mec, son kiff, c'était de finir le jeu le plus vite possible. C'est nul, avec tous les codes et tout. Non. En fait, donc il le faisait une première fois pour voir tout le cheminement du jeu pour arriver à la fin. Et après, en fait, son kiff, c'était d'arriver à battre son propre record pour finir le jeu plus vite. N'importe quoi. Non, c'est bien, au moins tu joues plusieurs fois et tu l'as rentabilisé, quoi, le jeu. Ah ouais, c'est ça. Mais voyons le côté positif, hein. Mais genre, le mec, il arrivait à te finir des jeux en 2h, 2h30, les trucs, toi, tu mets 10 jours, quoi. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Bah merci, Anthony, on te retrouve dimanche. Bah oui, Mickaël, une petite question. Dis-moi. Je sais plus ce qu'il devait dire. Eh bah c'est parfait. Eh bah tu la poses. Je vous dis dimanche. Bah tu la poseras dimanche. Bah oui. Bah voilà, on fait ça. Salut Anthony, tu viens avec des potes ou tu viens tout seul? Il y aura mon frère et ma mère. Eh ben très bien, parfait, ça roule. Salut à toi Anthony, à bientôt. Salut, à bientôt. Ciao à toi Anthony. Bon allez, récupération avec Mehdi et Bilal maintenant. On va se faire la suite du jeu de la rupture. Ah. Pour l'instant c'est Bilal qui gagne avec 1 minute 42. Mehdi qui a été très mauvais avec même pas 20 secondes. Hein. Mais c'est pas grave. La Nintendo Wii Mini pour l'instant de Bilal. Mais on verra comment ça va se passer pour la suite. Ne nous emballons pas. Bilal, on recommence avec toi maintenant. On appelle au hasard. Tu refais le jeu avec le jeu de la rupture. Hein. Tu appelles, tu dis que c'est terminé. Par contre, sois un peu plus rapide, hein, Bilal, parce que là, t'as un peu traîné avant de dire que c'était terminé. Hein. Mais ça a commencé là, non? Attends, j'entends rien, Bilal, parce que tu sais quoi le bruit qui est autour de toi là? Non, mais c'est parce que je conduis. Ah, d'accord, ok, bah fais attention, Bilal. Bon, je disais, il faut y aller cash hein, en disant que c'est terminé, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Faut pas trop traîner. Allez, vas-y, Bilal, on y va, c'est parti, on appelle. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Oula, okay. Long, c'est ça. Allô. Oui. Ouais, c'est François. Non, c'est une erreur, monsieur. Allô. Non, c'est pas une erreur du tout. Moi, je reconnais ta voix. Hein. Vous... Allô? Oui. Ben, c'est toi que je veux. Attends, tu me reconnais pas, François? C'était pour te dire, en fait, que c'était fini entre nous. D'accord, monsieur. Ok, c'est bien. Non, mais attends. Écoute. Mais c'est une erreur, monsieur. C'est une erreur. Vous êtes trompé de numéro, monsieur. Non, je me trompe pas. C'est toi. Je reconnais ta voix. Attends, fais pas le semblant de pas me reconnaître. Hein. Avec tous les moments qu'on a passés ensemble, c'est impossible que tu ne me reconnaisses pas, attends. D'accord, ok, c'est bien, monsieur. Allez, au revoir. Non, mais attends. Au revoir, monsieur. Et hop là, 42 secondes. Ok. 42 secondes. Bah, c'est pas grave, on va garder 1 minute 42 de toute façon, t'inquiète pas. Hein. Ouais, ça marche. On garde 1 minute 42. Tu vois, Mehdi, comme quoi, tout est possible, hein. Bien sûr. Tout peut encore arriver. La Nintendo Wii Mini, pour l'instant, c'est Bilal qui la gagne. Mais Mehdi, elle pourrait arriver dans ta poche, on sait jamais. Le principe, est bien faire pareil. Le jeu de la rupture, on l'appelle. Tu parles de rupture, hein, dans le principe, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si t'arrives à faire plus qu'une minute 42, dans l'absolu, 1 minute 43, c'est toi qui gagne, d'accord? Oui. Allez, sois bon. On y va, sois bon, Mehdi. C'est parti. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Dernier appel, il va pas décrocher, tu vas voir. Bon, c'est pas grave, on appelle un autre, Mehdi, c'est parti, je propose. Puis on parlera ménage à 3 avec Léo aussi après. Et on récupérera Anna pour la colle, évidemment. Oh. Oh putain, la poisse. Allô? D'accord. Allô? Ouais, non, là, je crois que c'est moi, je pense qu'elle a entendu quand j'ai dit la poisse, donc c'est pas grave. On recommence, c'est ma faute, mais à coup le pas, je crois que c'est ma faute. Bon, une minute en plus pour la peine, hein. Ouais, t'as raison. Bah oui, deux même. Allez, on y va. Bon, bah j'ai gagné. Non, t'emballe pas, là. Fais tes preuves. Allô? Oh putain, un fax. Mais qui a encore un fax aujourd'hui, putain? Tu crois qu'on peut rompre avec un fax? Qui a encore un fax de nos jours? C'est dingue. Allez, on enchaîne un autre. Putain, ça m'a tué les oreilles, ce fax de merde. 916. Allez, c'est pas vrai, le dernier qui foire là. Bon, bah on appelle encore un autre, hein. Putain, tu nous portes la poisse, Mehdi là. Ben non. T'as intérêt à être bon, on a pas le choix. Allez. Allô? Allô? Ouais, ça va? Oui, c'est qui? Ouais, je peux te parler 5 minutes, ça te dérange pas? Bah, je t'écoute. Ouais, c'était pour te dire, les derniers temps qu'on s'est vus, ça se passait pas trop bien, et enfin, faut que je te parle vraiment 2 petites minutes, ça te dérange pas? Enfin, on a un peu notre relation du passé, quoi. Tu penses parler à qui? Bah, à toi, quelle logique. Non, mais c'est quoi mon prénom? Moi c'est Jérôme, et toi? Enfin ouais, oui, non, oui, mais de toute façon, c'est très bien que je te connais, on s'est encore vu avant-hier. Non, mais je trouve que nous deux, ça va plus, quoi. Faut qu'on mette un stop à tout ça, quoi. Hein, si tu veux, on va en parler pendant 2 petites minutes, ça te dérange pas? Mais... pendant 1 minute 43 des numéros, hein. Non, t'en fais pas, non, mais on va parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir, je pense que je vais... Enfin, que ça va casser entre nous, quoi. Il va y avoir une rupture. Ouais. Je comprends pas de quoi tu parles. Bah, déjà avant-hier, quand je t'ai vu, je sais pas, tu m'as pété un râteau, t'es venu 5 minutes, t'es reparti. Enfin, ça va plus, quoi, faut qu'on... Enfin, voilà. Ça te dérange qu'on en discute pendant 2 minutes? Non, mais... Ah bah, pour discuter, c'est alors... C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Jérôme. Oui, Jérôme. Mais je connais pas Jérôme. Non. Bah si, on s'en convient avant-hier. Ben non, avant-hier... Ah ouais, on n'est pas là pour parler de... On n'est pas là pour parler de notre nom ou tout le tralala. Là. Une 36 quand tout le tralala. Hein? Comme tu peux le voir, il y a des moments où... ça part en engueulade phénoménale. Hein. Allô? Il est parti. Combien? C'était bon, là. T'as pas été mauvais, là, hein? Jérôme, c'est moi. Hein, oui, il va changer. Je suis toujours un bel enculé. Je m'appelle Christophe et je suis un enculé. Eh oui, non mais c'est vrai, en plus t'aurais dû faire un oui, Christophe, c'est moi. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours un gros obsédé. Tu vois, t'en rêves, je fais la chanson là. Ouais, mais j'ai appris que les femmes étaient plus obsédées que nous, donc. Oui, oh, bah, enfin, écoute. Bon, je l'aurais dit, je l'aurais battu, je l'aurais fait pour finir. Bon, bah alors attends, Bilal, t'as fait 1 minute 42. Ouais. Et, mesdames et messieurs, est-ce que notre ami. Est-ce que notre ami. Alors, roulement de tambour. Bah oui, quoi, t'as pas un tambour chez toi? J'en ai deux. Bravo Mehdi! Ouais! Bravo Mehdi! Eh oui! Merde! Il a gagné! T'as le temps? 1 minute 48! Ouais. Oh, eh ouais, ça s'est joué à rien du tout, Bilal, là, putain. Ah, il t'a mis tasse. Je peux faire une petite dédicace? Bah, évidemment, Bilal, allez, vas-y, avec cette personne, choisis la bonne. Allez, une dédicace à tous les gars de la STEP Agen et à Nico, le gitan. Très bien, bah, le message est passé, y a pas de problème. Bah, merci d'avoir participé, Bilal, tu reviens quand tu veux. Ok, allez, bonne soirée. Salut Mehdi aussi, bravo, hein, la Wii Mini, elle est pour toi. Hein. Ça marche. Eh bah, avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Salut. D'accord, merci bien. Allez, à bientôt, Mehdi. Comme quoi, finalement, même dans la galère, on peut toujours s'en sortir. Ouais, jamais lâché. Bon, retour avec Virginie et la police, Léo pour parler du ménage à trois, Thomas qui voulait parler des jeux vidéo, et puis la colle avec Anna, on fait ça juste après le son de Fallen Wad, maintenant sur Fun Radio. Au cœur de la nuit, sans pub, c'est Changes sur Fun, il est minuit 8. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio. Continuez à balancer tous vos messages, évidemment. Hein, si vous voulez discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Avec bien sûr le hashtag MIKL sur Twitter. Il y a un message, puisqu'on est toujours dans les jeux vidéo. Le jeu que je déteste est Candy Crush, parce que je trouve que ça sert à rien et que j'ai jamais passé le premier niveau. Ah ben c'est surtout ça à mon avis. Hein. C'est le premier niveau qu'a pas réussi à passer. Joss également qui dit, moi mon jeu préféré c'est Zelda Wind Waker. Il y a Gouli également, on va voir sur Google. Brooklyn Decker, c'est un avion de chasse. Alors attends, on va voir. Comment ça s'appelle Polo. Brooklyn comme Brooklyn Decker. D-E-C-K-E-R. Ouais, bon, elle est bien aussi. C'est le visage, encore une fois. Le visage, il y a un bug. Après, évidemment, elle a un putain de corps, hein, ça c'est sûr. Mais c'est le visage. Je reste sur Kuloko. Cuoco, Cuoco. Voilà. Non, c'est Kylie Cuoco. Pardon. C'est quoi? Kylie Cuoco. Kylie Cuoco, exactement. Ouais. Non, je reste sur Kylie Cuoco. Bah, j'aimerais bien rester dessus. Si je me permets, ah bah, oh là là. Et alors, 69 degrés qui dit ma petite sœur a cassé mon CD de FIFA et elle a laissé celui de PES. Ah, oui, écoute, c'est peut-être un signe, la note. Hein. Et Maxence qui dit, moi, mon jeu préféré, c'est, c'est quoi, Skyrim. Et celui qui m'a saoulé, c'est Pokémon. Car j'avais, j'avais joué 3 heures sans sauvegarder et ma Game Boy s'était éteinte de la pute. Oh là là là là. Ah oui, il faut se méfier. Il faut toujours sauvegarder. Pareil, quand vous êtes en train de taper des textes sur Word et tout le bordel, sauvegardez de temps en temps. Parce que si vous tapez tout le truc et qu'à la dernière ligne, paf, le bug. Le drame. Ah putain, là, je pense que ça m'est déjà arrivé. Franchement, c'est dur. Hein. C'est surtout très dur. Sur un PC. Ah ouais, parce que. Sous Windows, t'as intérêt à le sauvegarder toutes les deux secondes. Il vaut mieux, ouais. C'est préférable. C'est même plus que préférable. On fera d'autres appels avec Toff tout à l'heure. Ah. Je vous rappelle également qu'il y a toujours la vidéo, notre bowling, qu'on a fait bowling grandeur nature quand on était au ski. C'était il y a un mois, que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de l'émission. D'ailleurs, venez vous abonner. Vous tapez Mickaël officiel, vous vous abonnez à la chaîne et vous verrez plein de vidéos, dont celle-là justement. Et 115 personnes qui m'ont liké, ça c'est beau. Oh, c'est qui beau. Ont liké ma descente. Oh, quelle belle descente, justement. Ah oui, venez, bon. Venez, likez là. Ouais, on va parler des anges, des teubés de la télé avec les anges, justement. Et apparemment, ce serait encore la guerre. Mais vous vous êtes regardé dans une glace, sérieux, deux secondes. Vous voulez qu'on parle un peu de votre sérieux? Mais si je vous attaque sur votre physique, je vous défonce tous. Je vous défonce tous, je vous fais tous pleurer. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je vous fais pleurer. Vous n'allez même plus pouvoir vous regarder dans la glace. Pour qui tu te prends, toi? Mais pour qui tu te prends? Tu te prends pour la septième merveille du monde, toi? La septième merveille du monde, tout à fait, oui. Et enfin, les filles, vous aimez Nadal? Eh bien, il n'est pas prêt de prendre soin de vous, apparemment, en tout cas. Alors, Nadal, sur un court, donc, qui est d'un courage indomptable, comme on sait, j'ai découvert que c'était un paradoxe vivant, ce grand garçon de 1m86 au gros biscotto. Parce que, alors, sur le court, donc indomptable, dans la vie, il a peur de tout. Il a peur du noir, il dort avec ou la lumière ou la télé allumée. Il a peur du tonnerre et des éclairs. Et, il a peur des voitures, c'est un conducteur déplorable, dit sa petite sœur. Il a peur de la mer, mais alors il adore la mer, c'est-à-dire que quand il fait du ski nautique, il faut qu'il voit le sable, vous pensez, c'est quand même. Donc, il a peur, évidemment, qu'il arrive quelque chose à sa famille. Il a peur des chiens. Ah oui, il a peur de tout en fait. Hein. Ah oui, oh là là. Heureusement qu'il n'a pas peur des raquettes. Oui, parce que sinon, ce serait la merde. Et pour la Coupe du Monde, la FIFA donne des conseils pour lutter contre le sida et c'est une bonne nouvelle. La FIFA distribue des fascicules un petit peu sur tout et n'importe quoi. Et entre autres, la prévention contre le sida. Ça, c'est pas mal hein, si vous faites des rencontres au Brésil. Mais la FIFA écrit que pour se protéger du sida, il faut la fidélité, l'abstinence et... Bah c'est tout. Ah oui. Donc l'État brésilien a rajouté dans le fascicule un petit erratum, hein, parce qu'ils ont dit qu'il y a aussi un petit truc en caoutchouc, vous voyez, qui existe, oui. Qui s'appelle le préservatif, et apparemment la FIFA ne connaissait pas. Ah oui, c'est le pape qui écrit le truc ou quoi? Ouais, faut croire. Hein. Ah ouais, ils sont bien la FIFA quand même, hein, mais ils continuent à faire du foot seulement. Hein. Arthur qui dit, moi mon jeu préféré c'est Sauce Clash of Clans, et puis Jesse qui dit Candy Crush c'est le top, et Louis Broil Blancard qui dit aussi, mon jeu préféré Devil May Cry 5, j'ai dû refaire au moins 5 ou 6 fois la campagne, et alors le jeu sur lequel j'ai le plus galéré c'est NBA 2010. Très bien, continuez à balancer vos messages, facebook.com/mikaelofficiel et sur le Twitter avec le hashtag Mikael. On va se refaire un petit coup la colle avec Anna maintenant là, ça fait un petit bout de temps là. Anna, t'es toujours là? Oui, oui. Très bien, je rappelle qu'il y a toujours une GoPro à gagner. Pour la gagner cette GoPro, eh bien il suffit de répondre à la colle d'Anna. Anna, on t'écoute. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? Alors, je répète, hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? C'est bien ça? Oui. Voilà, vous envoyez Mickaël la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique qui ont proposé une baleine. Non. Non, un sous-marin. Non plus. De l'eau. Non plus. Et alors on disait Mickaël la réponse pour la colle, c'est un cachet effervescent. Non plus. Ah, et Yacine qui proposait aussi le sous-marin, il coule, il flotte et il disparaît. Non plus. Bon, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Bon, allez-y, bonne chance. Et puis il y a également Christophe qui était là, 30 ans de Bruxelles. Là. Salut Christophe. Bah Christophe, qu'est-ce que tu fais là? Bah, salut. Je sais pas. Ça va? Ça va et toi? Bah ça va, tu nous appelais pour la colle toi? Bah en fait j'avais posé une question justement à Anna. Ouais. Parce que voilà, j'ai eu un truc un peu spécial. J'ai reçu un mot dans ma boîte aux lettres, je suis sur Bruxelles aussi. Quoi, c'est une je t'emmerde toi? Il y a écrit je t'emmerde. Non, pas du tout. Ça je veux bien le faire un. Ouais, c'est un demain jour. Ça c'est demain. Je t'emmerde. Voilà, et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la boîte aux lettres? Mais en fait, j'ai reçu un mot dans ma boîte aux lettres. Apparemment, j'aurais croisé d'une jeune femme. Elle s'appelle Anna et elle m'a proposé de la rejoindre hier place de jeu de balle. Ah ouais, mais Christophe, je t'arrête tout de suite, t'as 42 balais. Hein. On ne sait pas, hein, je sais pas. Bah, tu peut-être que le hasard fait bien les choses, mais... Non, parce mais que là, c'est une femme, c'est pas une jeune femme. Non, je sais très bien, mais voilà, c'était pour voir si le hasard faisait pas... Allez, si c'était pas un hasard, que ce soit donc, attends, elle qui... T'as rencontré une meuf, donc la meuf, elle a laissé un mot dans la boîte aux lettres, elle s'appelle Anna, du coup, il y a une Anna qui passe à la radio et qui habite certes à Bruxelles, et du coup, tu penses du coup, elle. C'est elle. Et hasard, je sais pas, je pose la question. Bon, Anna, est-ce que c'est toi? Non, pas du tout. Merde. Ah, ça m'intéresse pas. Ah, c'est oh, dommage. Oh, tout de suite, Anna. Oh là là là là. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle un râteau, Christophe. Hein. C'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. Non, c'est hein. Pas grave. Bah, ouais, écoute. Bon, voilà, bah, écoute. Tout à fait. Bah, bonne recherche, hein, bonne bourre. Hein. Bon, si vous êtes là, Anna, alors, elle réexplique peut-être, hein, comme ça, on va essayer de la trouver. Bah, tout simplement, j'ai reçu. Bah, c'est un peu bizarre aussi, mais j'ai reçu un petit mot. Comme quoi j'aurais croisé une certaine Anna sur Saint-Gilles, sur ouais, Bruxelles, quoi. Ouais. Et voilà, apparemment, depuis qu'elle m'a vu... Elle ne reste qu'une chance que tu lui pètes le cul. Non, non. Bon, Toff, hop, une minute. Oh non si, hop, allez, ferme ta gueule. Une minute au coin pour la vulgarité et ne respecte pas ses camarades. Et bouffonnerie. Et bouffonnerie, voilà. Hop, ça y est, c'est fait. Et donc, vas-y, Et donc hier, elle allait vers 21h dans un bar à Bruxelles, place du jeu de balle. Ouais. Elle m'avait demandé de la rejoindre, mais bon, moi je suis au travail, donc forcément j'ai pas pu m'y rendre. Ah, galère. Donc j'ai téléphoné à ce bar en question, mais comme il y avait un concert, ah oui, il y avait pas mal de monde, bon, je savais pas. Ben oui, quand même pour savoir, pour au moins dire, voilà, je ne sais pas me déplacer, je suis au travail. Tu ne sais pas où tu pas ne peux pas. Il ne peut pas. Et donc du coup tu peux pas le déplacer et puis ben voilà, j'ai téléphoné à ce bar donc pour dire écoutez, si vous voyez une certaine jeune fille avec un foulard blanc à partir de 21h, elle serait chez vous. Et moi j'ai un mec qui m'appelle, je suis barman, j'ai un mec qui mais si vous voyez une fille avec un foulard blanc, appelez-moi. Ouais, je raccroche à la gueule. J'appelle les keufs, ouais, enculé, direct. C'est clair. Là c'était un pervers. Ah ça y est, Toff peut revenir. Ah c'est fait. Bon, donc, et ben le message est passé sur Fun, j'espère que ça pourra t'aider. Du coup qu'elle nous appelle la fille, hein, si Anna elle se reconnaît. 02 851 4x0. Voilà, depuis la Belgique, tout simplement, évidemment. Voilà. Bah salut Christophe. Salut, à bientôt. Allez, ciao à toi Christophe. Et puis le gagnant de la colle, on l'appelle dans 10 minutes, hein, donc soyez bien à l'écoute de Fun. Si vous voulez repartir avec votre GoPro, vous pouvez également donner la réponse sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Virginie ? Oui. Putain, le flic est parti en intervention là. Allô. Oui, oui, oui. Bon, on cherche un autre flic du coup, une fliquette éventuellement, hein, puisque Virginie voudrait se lancer dans la police et elle voulait des conseils. Eh hey, gros botteur. Eh hey, gros botteur. T'en es où du mariage là? Ah oui, vous voulez se marier aussi. Du respect pour les gens qui font respecter la loi. Bon, hein. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Eh hey. Bah, du respect, gros ouais. Bâtard. Que du respect. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Et ouais, et donc Virginie veut rentrer dans la police, dans les forces de l'ordre. Je la vois bien quand elle fera avec moi. Va te faire enculer, gros bâtard. Ah oui, non, très non, non, non, non. Eh, Virginie, s'en est où le mariage? Ouais. Eh, Virginie. Oui, c'est moi. Oh, t'es la plus belle. Va te faire enculer, gros bâtard. Oh, dis donc, Virginie. Eh, ça se fait pas de me parler comme ça, la oh, Virginie. Quelle violence. C'est mal. Moi, je suis là, je te fais un compliment. T'as vu ce que tu me réponds? Virginie? Écoute, ouais. Bah, pourquoi tu me réponds mal comme ça, là? N'importe quoi, franchement. Ça se fait pas. Mais ça se fait up. Non, eh, le mal. Mec, on est cool. On t'aime. En plus, depuis le début... On t'aime. T'es un peu notre mascotte. T'es un peu notre mascotte du Nord. Ouais. T'es notre porte-bonheur. Exactement. Allez, ça met trop gros, ah, t'as vu, porte-bonheur du Nord. C'est la classe. Et tu nous insultes comme ça, t'insultes Miguel comme ça à la gueule. Ouais. Va te faire enculer, gros bâtard. Elle continue, elle remet le couvert et elle enchaîne, elle a pas peur. Bon, la police, appelez-nous, là, on a besoin de vous. Juste un seul pour avoir un conseil là, pour Virginie, là. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Oulala, il est bientôt là. Il y a encore un Mickaël qui est avec nous, là, d'Orléans. Salut Mickaël. Quel beau prénom. Comment ça va, un doux? Oui. Eh ben très bien, et dis donc, tu nous appelles pour quoi toi le doux? Pour rentrer dans l'armée des doux. Allez. Tu es un doux de quelle catégorie s'il te plaît? C'est-à-dire je sais pas. A, B ou C? Quel calibre? A. Ah, ah, ah, ah, tu, alors, quel âge as-tu, jeune doux? J'ai 11 ans. Ah, non. C'est comme ça, c'est voilà, un vrai doux. Ouais. Est-ce que tu es d'une douceur impeccable? Pas trop. Pas trop? Pourquoi tu te laves pas? Hein? T'es un petit doux sale. Ah non, non, non, si, je me lave. Bon, c'est très bien. Michael, donc, tu es un doux, tu veux rentrer dans l'armée des doux? Oui. Oui. Mets-toi à genoux. Ça y est. Insulte-toi copieusement. Espèce d'enculé de ta race de Michael de merde. Eh, dis donc, reste calme. Ah, c'est lui. Bah. Continuez. Nique ta race, je lèche le sol. prends ton téléphone. Ouais, c'est bah, tape-le-toi sur la tête. Allez. On n'entend pas. Non, je crois qu'il a éteint, il a raccroché. Michael, il a raccroché en tapant. Ah, ça c'est un doux ça. Attends, on va le rappeler. Un bon vrai doux ça, un doux à l'ancienne. Lui, c'est un bon doux, il s'est raccroché au lit. Attends, on va le rappeler. Sans ça, on ne peut pas l'accepter. Hein. Ah bah non. Non. Ah bah non, elle est éteinte. Je rappelle que les doux sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué. Et là c'est le daron qui va décrocher. Allô. Espèce de connard, mon fils est en train de dire. C'est vous qui dévergondez mon fils. On a perdu le doux là. Merde, il s'est tué avec. Oh putain, on a perdu le doux. Putain, on a perdu un doux. Un doux de perdu, douze de retrouvé. Ah oh bah tant pis hein. C'est merde. Dommage parce que en tant que doux officiel vous avez bonjour. Ton... Ah ouais, vous bah. Êtes sur la messagerie du merde. 02 bon, 38 bah, vite, vite, vite. Ah, bah, ça va, reste calme. Non mais qui rappelle le rappel bah, mon doux. Rappelle le doux là Michael. Je rappelle qu'en tant que doux vous avez le passage rapide pour pouvoir faire les dédicaces. Vous pouvez faire deux dédicaces au lieu d'une seule quand vous n'êtes pas membre. C'est vrai, c'est les privilèges du club. C'est exactement, c'est le privilège du club, bien entendu. Bon, eh ben, du coup, c'est pas grave. On va donc prendre Léo, là, avec le ménage à trois, là, d'Evreux. Salut Léo. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va et vous? On va parler ménage à trois dans un instant? Ouais. Parfait. T'as déjà fait ou tu vas faire? C'était pas vraiment un ménage à trois et après j'ai proposé. D'accord, alors bouge pas, on en parle juste après le son de Katy Perry qui a fait cette chanson pour mon anniversaire hein, qui arrive dans trois jours hein, l'anniversaire. Et je la remercie, c'est vrai que je l'ai déjà dit, écoute, c'est terminé, stop, arrêtons, il y a un moment, faut tourner la page, etc. etc. En plus depuis qu'elle a viré son mec là, son abruti là. Ouais, merde, comment il s'appelait Russell Brand. Ouais exactement, et bon bah du coup elle revient à la charge. Et donc comme c'est l'anniversaire, elle m'a fait l'anniversaire. C'est genre j'allais dire, bon ok d'accord. Je te reprends. Eh ben non, je suis pas comme ça. Ça se fait pas. Ouais, ouais, je sais bien, mais non. Bon, ben on écoute justement Katy Perry maintenant sur Fun Radio. C'est le nouveau, c'est Burnay. Et merci Katy. I heard you feeling... J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Michael nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Michael m'offrira le reste. Oh my god! Michael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il est minuit 28, il y a Damien aussi. Salut tout le monde, à quand le retour de Jean-François et Alexandra? Continue comme ça, c'est cool. Bah c'est vrai, ça fait longtemps là, Alexandra et, Damien, oui. et Jean-François, bah appelez-nous là. Appelez Jean-François. Hein. Ah bah on va le rappeler alors, très bien. Et Gulli aussi, ça va mettre tout le monde d'accord. Tapez l'actrice d'American Pie, Tara Reid. Ah oui, oui, oui. Ouais, elle a pris un sacré coup dans la gueule, Tara Reid. Non mais écoute, c'est vrai qu'elle est un peu plus âgée, mais. Ah non, mais l'autre est quand même mieux. Ouais, moi je reste sur les deux ouais, premières. Ouais, mais quand même, je ne crache pas dessus. Enfin, si, je pourrais, mais je veux dire. Si, une bonne éjac faciale, je pense qu'elle mériterait ça. Oh, une minute, hop, c'est parti. Top, c'est scandaleux. Ah, voilà. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est scandaleux ce qu'il peut dire, ce salopard. Voilà, c'est comme un juge, une fois qu'il a jugé justement une condamnation à mort, parfois c'est comme ça. C'est dingue ça. Qui, une fois qu'un carton rouge est donné, un carton rouge est donné. Ah ouais, on peut plus faire marche arrière. Voilà. Ouais. Bon, donc je reste toujours sur Kuolo Kai Kuoko. Kuoko, ouais. Kuoli Kuoko, voilà. Tapez sur Google si vous ne connaissez pas encore, évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire maintenant? Oui, on va parler encore. On va parler évidemment jeux vidéo avec Mehdi. On va parler de jeux vidéo avec Thomas. Le ménage à trois avec Léo. Mais avant cela, il y a Guillaume qui est gendarme. Allô, Guillaume. Bonsoir. Allô, oui, bonjour, Michel. Comment ça va? Bonjour, police, s'il vous plaît. Présentation des papiers du véhicule. Enfin. Ah, pas de soucis. Ça va et vous? Très bien. Oui, parfait, Guillaume. Bon, alors, t'appelles de Macron, toi? Ouais, voilà, c'est ça. Et tu as un téléphone de merde? Attends, oh, putain, la merde est de retour. Hop là, de retour. Voilà, tout à fait. Bon, alors, Guillaume, et il y a Virginie qui est là et qui voulait tout simplement avoir des conseils, en fait, tout simplement, pour rentrer dans la police, dans les forces de l'ordre. Va te faire enculer, gros bâtard. Alors, Virginie, si tu commences à parler comme ça aux gendarmes, ça va très très mal finir, Virginie. Hein? Oh, que donc. Bon, allez, alors, alors, Guillaume. Ça me tape le gros bâtard. Oh, Virginie, ça suffit. Attention, toute la brigade à venir. On dirait Toff. Je peux intervenir, Guillaume? Va te faire enculer, gros bâtard. Moi, j'ai toujours voulu travailler pour les renseignements. J'ai toujours voulu travailler pour les renseignements généraux. C'est vrai? Avec une plaque, avec une plaque, tu sais. Ah, mais c'est juste pour la plaque qu'il veut. Renseignements généraux, bonsoir. Tu crois que c'est possible ou pas? Non. Non, ce n'est pas possible. Bon, je sais qu'ils nous écoutent. Les renseignements généraux, je veux travailler pour vous. Je suis Polo, P-O-L-O. Envoyez-moi une note discrète à Fun Radio, 22 rue Bayard, 75. Il doit être indiqué. Paris. Ah, je rigole pas, moi. Voilà. Essayez. Je balancerai sur Toff. Ah oui, alors là, par contre, ouais. Bon, alors Virginie, bah vas-y, pose des questions. Il y a Guillaume qui est là. Bah oui. T'as le kit Mali pour le haut-parleur, Guillaume? Non, je suis rien. Je suis juste dehors en train de me laisser. Ah, d'accord, parce qu'il y a un écho, c'était bizarre. Bon, vas-y, Virginie. Ça va, Guillaume? Oui. Dis, oh, pardon, excusez-moi. T'as pas un stylo à prêter? Non, mais c'est. Non, mais. À quel niveau d'études il faudrait pour entrer dans l'école de police? Bah, pour entrer dans une école de. Ouais. Bah, pour entrer dans une école de police, soit il faut un bac, soit un bac plus 2. Oh, bah, le niveau, je l'ai. Voilà. Donc tu peux rentrer directement, ou sinon tu peux. Chez toi, tu peux rentrer directement chez toi. Non, mais ce qu'il faut. Non, mais sinon ce qu'il faut faire, c'est soit un an de réserviste et après ils t'envoient directement eux dans une école. Voilà. Ou sinon tu vas directement au poste de commissariat le plus près et eux ils vont remplir un dossier pour toi et ils vont t'envoyer dans une école la plus proche à côté de chez toi. Eh ben moi j'habite dans la Vénois. Dans la Vénois, mais je sais pas c'est laquelle justement l'école la plus proche de chez moi. Bah, renseigne-toi. Pardon? Renseigne-toi. Ouais, voilà. Je pense que c'est sur l'île, c'est l'île, je pense. Bah voilà, c'est au commissariat, ça, au commissariat ils vont te dire c'est laquelle la plus proche et après ce sera à toi d'y aller. Et après ce sera à toi de, voilà, d'y aller et tu auras des mois d'école et des mois de formation. Et surtout si jamais je parle et qu'il y a éventuellement son futur instructeur, ne lui filez pas un flingue hein. Oui, surtout pas, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas, juste les dépositions. Ah oui, c'est ça, et dépositions, machine à écrire. Hein. Pas plus. Voilà. Va te faire enculer, gros bâtard. Hein. De quoi? Faut être très fort en sport, par contre. Ah, en sport? Ah bah oui, ça, je sais bien. Allez, vas-y, tape un constat, Virginie. Ouais. Ouais, dis donc. Ah oui, bah il y a des fautes en plus, hein, bravo. Ah bah oui. Ah bah ouais, bah félicitations. Hein. Bon, c'est tout ce que tu voulais savoir? Tu nous as pris la tête depuis 23h pour ça. Oh bah non, c'est l'hôpital qui fout de la charité ici. Je vois pas ce que l'hôpital a à voir là-dedans, mais. Ni même la charité. N'importe quoi, vas-y. Oh là là. Oh nous on t'aime bien. Oh Virginie, tu vas pas nous chier une pendule. Non, on a été hyper charitable avec toi. Un caca nerveux peut-être. Bon, il y a un caca nerveux si tu veux, mais pas chier une pendule quand même. Oh. Non. Bon, ben merci Guillaume en tout cas de la police, enfin de la gendarmerie. Hein. Eh ben, il n'y a pas de souci. Bon, et tu préfères qui, les gendarmes ou les policiers? Ah, bah la gendarmerie quand même. Pourquoi? C'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on vient de l'armée quand même, c'est pour ça. Tu sous-entends que les policiers, c'est de la merde? Parce qu'ils sont pas de l'armée? Bah non, mais c'est qu'ils savent un peu moins bien faire que nous. Ouais, ils sont moins bien entraînés. Ouais. Non, c'est une On va avoir toute la police qui va nous appeler. Bien sûr. Moi, j'aime la BAC et les renseignements généraux. Oui, on a compris. Oh là là, il est relou. Bon, ben ça marche. Mais merci Guillaume en tout cas de nous avoir appelé. Pas de soucis, je peux passer une petite dédicace? Eh ben bien, la gendarmerie fait ce qu'elle veut, hein, autant que tu veux. Bah voilà. Alors, je passerai une petite dédicace à toute la brigade de gendarmerie du Saône-et-Loire. Ouais. Et à tous les commissariats du Saône-et-Loire. Et puis une petite dédicace à mon petit Grégoire et à mon petit Fafa qui attendent tranquillement que je rentre à la maison. Attends, c'est tes enfants, rassure-moi. Non, c'est mes frères. Ah, tu m'as fait peur. Ah, très bien. Très bien. On pensait que c'était des prisonniers. Ouais, c'est mec qui ramène du boulot chez lui, tu sais. C'est ça. Voilà. Bon, bah salut Guillaume en tout cas. Allez, y'a pas de soucis. Ciao. Et puis, du coup, Virginie, bah voilà, j'espère que t'en sais plus. Et maintenant, reste plus qu'à aller t'inscrire. Bah, c'est ce que je compte faire, ouais. Bon, bah, tu nous tiens au jus? Ouais, il y a pas de soucis. Virginie, si jamais j'ai. Hein? t'entends tout de suite. Mais c'est pas une vanne en plus, je t'assure. Si jamais tu passes le concours et que t'es reçu tout le bordel. Et qu'un jour tu as l'uniforme. Et que t'as l'uniforme un jour, tu pourras venir au studio pour donner un coup de taser à Toff. Avec plaisir, ouais. Ah, et un coup de matraque. Eh, gros non, botteur. Non. Eh, gros botteur, j'ai une question. Et le mariage alors, c'en est où? Eh, du respect là, qui t'a dit gros bâtard là? C'est pas. Eh, c'est Toff. Allez, une minute. Allez. Bah, hop, pas. Au coin. Bon, vas-y, Virginie. Non, parce qu'après, il y a le prince Nadia qui va nous taper, qui veut nous chier une pendule. Ah oui, là, déjà, y a c'est l'avocate. C'est l'avocate. Excusez-moi, monsieur le juge. Je ne suis pas d'accord. Voilà, comment on dit encore? Objection. Objection, votre honneur. Ce salopard de Polo a trahi. Bon, donc, hey, dis donc, Virginie, je disais aussi, si jamais un jour je me fais arrêter et que j'ai un PV, tu peux me le faire sauter? Non, mais ça va pas, non. Bon, c'est quoi beau, ouais. Attends, ce sera un peu grâce à moi. Non. Ah si. Ouais, d'un côté oui, d'un côté non. T'as un doute, c'est ce que tu fais, t'es conscient de ce que tu fais, tu te débrouilles. Non, mais un PV, genre un petit excès de vitesse, ouais. Rien du tout. Genre 210 sur l'autoroute, quoi. Vois rien. Genre si je passe à 310 sur l'autoroute avec l'autolib, tu peux faire sauter le truc n'importe ou pas? N'importe quoi, n'importe quoi. Non, mais Virginie, attends, allez. Tu peux quand même rendre service. Eh, Virginie, il va falloir mettre des putains de fusées. Hein. Ouais. Je vais acheter bientôt une Porsche. Tu pourras nous laisser le champ libre. N'importe on va là-bas là, ouais, comme ça, dans le nord. Tu seras sur la moto devant nous, tu nous ouvres la voie. Gros banteur. Et on mettra un haut-parleur et on mettra des. Va te faire enculer, gros banteur. Ah, exactement. D'accord. Bon. T'es d'accord. Va te faire enculer, gros banteur. Bon bah, si tu le prends comme ça, d'accord. Je peux passer une dédicace, s'il vous plaît. Bon, ferme ta gueule, gros banteur. Oh là là, franchement, ça c'est fané cette merde, cette vanne de merde. Hein. Allez, vas-y. Je peux passer ma dédicace? Bah, on attend que ça. C'est pourri de bâtard. Vas-y. Oh là là. Oh bah, j'ai dit. Non, mais. J'ai dit que ça. Putain, mais c'est pas vrai. Vas-y, Virginie. Oh, sale bâtard. Et je fais une grande dédicace à la gendarmerie d'Aventurette. Attention. La police arrive. Tu vas rigoler, je ne pleure pas, tu vas voir. Bon alors ça vient, c'est dédicace. Non mais il n'y a pas moyen. Mais si, vas-y. Je fais une dédicace à la brigade de gendarmerie d'Aventurette, au commissariat de police nationale de Maubeuge, et à toutes les gendarmeries du Nord, tous les commissariats du Nord, voilà. Ah, attends, tu l'es déjà bien le bordel, toi. Ah ouais, ça c'est... Ouais, t'es déjà bien en mode je veux rentrer, toi. Tu la veux, ta place, ouais. Hein. Ah ouais, elle la veut. Et en plus, elle voulait vous dire un truc en plus. Virginie, vas-y. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. N'importe quoi. Bon, eh ben, merci. Et un gros bisou, mais de très très loin, même de l'autre côté de la planète, à ma très chère et tendre Amandine. Ah, oh, vous êtes réconcilié? Quoi, ta copine Amandine? C'est ça, oui. Mais oh, bien non, sûr, ouais. C'est cool. Avec qui tu voulais faire un plan 3? Non, mais si. Ouais, mais bon. Ah. En plus, vous êtes détesté, mais c'est bien, vous soyez remis ensemble. Enfin, vous êtes amis. Mais vous broutez le minon un peu de temps en temps. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle pour faire... Quoi, est-ce que... Mais elle est où à l'autre bout du monde? Eh ben, elle est en Bretagne. Attends, c'est le bout du monde. Elle est à Nantes. Bon, elle est où? Bah, elle est chez elle, voilà. Non, j'ai compris, mais tu dis à l'autre bout du monde, elle est dans quel pays, là? Oh là là, tu ne veux pas comprendre, un bande d'imbéciles. Si quelqu'un a compris tout cette discussion... Pourquoi tu nous insultes? Tu lui dis, elle est à l'autre bout du monde. Et tu dis, je fais un gros bisou à l'autre bout du monde à ma copine Amandine. Donc je me dis peut-être moi, qu'elle parle est... Pas, je parle pas aux personnes, au faux cul si vous préférez, voilà. Ouais, d'accord. Donc t'es plus copine avec Amandine. C'est sûr. Bah parce que y a c'est pas qui ni oui ni non, hein. Oh bah alors... Va te faire enculer, gros bâtard. Moi je comprends plus rien. Non, mais... D'accord. C'est comme ça, voilà. Eh ben, t'as raison. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Bon, ben, mais Virginie... franchement, la couille qu'elle a fait, là, sur votre antenne, c'était un coup monté, mais de son côté à elle... D'accord. Si elle était branchée à ce niveau-là, moi, pas moi, ça, c'est clair. Ouais, ben, tu voulais faire un plan avec elle. T'aurais bien voulu qu'elle te... Non, c'est nada. Ah, mais en plus, ça nous a permis de... Virginie, s'il te plaît, ça nous a permis de te rencontrer, et ça vaut pas, ça vaut tout un cajot de cacahuètes. C'était au mois d'août, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, effectivement, il y avait Amandine et Virginie ici présente qui voulaient qu'on appelle le mec d'Amandine. Ludovic, voilà. Pour faire un plan 1-3, ça a duré des jours, et puis finalement, ça a été la guerre, et donc maintenant, c'est toujours la guerre, mais t'aurais quand même bien voulu qu'elle te broute le minou, non? Ouais, Bon, ça va pas, non? Non. Bah, tu peux nous dire la vérité maintenant. À nous maintenant, il y a prescription. N'importe quoi, je suis pas. Il y a prescription. Je suis pas là. Non. Bah, tu fais comme tu veux, hein. Oui, Virginie. Eh, hey, Virginie, problème. Le mariage alors? Mon mariage, c'est prévu, ouais. Eh, ben, on vient, hein, en fait. Ah oui? Bon, pour tout. Non. Bah, attends, on vient. Top, hey, Top, il fait l'animation, il fait DJ. Okay. Je fais presque. Et Sandra va manger. Il fait presque DJ. Pourquoi sa grand-mère va manger? Vous la prenez pour qui, là? Bah, pour la jarretière. Voilà. Virginie. Et en plus, Toff, il a prévu plein de sons qui vont déchirer. Hein. Ouais. C'est Jérôme. Je ne t'attendais plus. Au mariage. Le premier slow. Ouais. Oh, c'est bon ça. Ben oui. Son dance floor. Vers les docks où le poids est. Allez, Virginie, on danse ou pas? Me courbe le dos. Et pour ton mari? À toutes les filles que j'ai aimées avant. Eh ah, oui, voilà. Et on pourra mettre Bézu ou pas? Bézu, ouais, il faut voir. C'est toi le DJ du coup. Voilà, ouais. C'est ça, en même temps, c'est toi le DJ. Fais ce que tu veux. Eh bah, vas-y, eh oui. Bézu. Les femmes. Oh là là. Pour les charmes. Eh, ça va être génial le mariage. La salope, hein. J'ai la baisse toujours à deux fois là. Pour un flirt avec. Oh, on va se marier, hein. Je ferai n'importe quoi. Christophe, DJ. Presque DJ. Animation, bar mitzvah et baptême. Je demande la permission avant de mettre un son. Oui. Alors, ça va, tu engages Toff ou pas? Ça va pas, non. Oh, je suis déçu, hein. Pourtant, il allait terminer avec Lino Ferré, là, après, il aurait tout déchiré. Ah, ça, c'est vous bon. Vous prenez pour qui, là? Vous prenez pour une vieille pique ou quoi? Non. Mais non. Bah, je sais pas, mais... C'est un endroit qui ressemble au Nord-Pas-de-Calais. On s'y amuse. Y'a des bâtards et des toffes qui font la fête. Et puis y'a Virginie. Le Nord Pas-de-Calais. Avec Virginie. Elle va se marier. Mais que pour quelques jours. Et puis elle divorcera. La la la la. Et après on recommencera et hop, la, ça sera reparti. Et ça va être beau, hein. Oh, ça va être magnifique. Oh, là. Bon, Virginie, moi j'ai hâte du mariage. Tu nous tiens au courant, nous on vient. Ah ouais, on vient. On va faire une de ces animations. Vous n'avez pas très vite, et ça c'est clair. De quoi? Vous serez tenu au courant, mais vous ne serez pas invité. Hein. Oh non, on vient. Bah, ça se fait pas. On s'en fout. Tu nous tiens au courant et puis on viendra quand même. Il y a pas de problème. Non, ça se fait pas, Virginie. C'est pas bien ce que tu fais là, Virginie. On était là depuis le premier jour. Exactement. Va se faire enculer, gros bâtard. Ouais, alors que tu dis ça, Toff, je suis d'accord. Mais après, il faut quand même pas déconner, quoi. Il faut quand même pas déconner. Bon, Virginie, on va te laisser là parce qu'on sait que t'as beaucoup de travail, hein. Il y a moyen de créer un petit cadeau là. Attends, tu peux gratter le dos de Toff si tu veux. Ah oui. Vas-y. Gratte-lui le cul, gratte-lui le cul. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Oh, arrête de m'insulter. Non, mais s'il vous plaît. Tu veux quoi, Virginie, comme cadeau? Allez, va, dégage. Tu veux des paquets de gâteaux? On a des paquets de gâteaux. Oui, on a des chocobons. Non, ça m'intéresse pas. Non? Bon, bah tant pis alors. Un connard de votre espèce à ce moment-là qui emmerde le monde et a rien foutu sur terre. Oui, ça c'était pour Toff. Bon, écoute, on va te filer un pack fun, Virginie, avec des capotes, comme ça tu pourras baiser. Oh là là, te faire déglinguer. Et ça va être génial. Fourrage à domicile. Exactement. Non mais. Oh là là. Tu pourras te faire démonter. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, restez avec nous sur Fun Radio. Tiens, il y a des messages qui sont arrivés. Il y a la meuf, elle en peut plus. Là, je vais cesser d'exister. Là, c'est exercice 3. Juste trop bon, la mort de rire. C'est Jessie. Et stop, je suis mort de rire avec vos conneries. Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Amanel aussi. Coucou la team. Je veux un coup de pelle. Je suis arrivé en retard. Eh bah t'en mérites un, tiens. Allez hop, c'est Marjorie Lizard qu'on écoute maintenant. Mickaël, no limit, tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, il est minuit 48 sur Fun Radio. On va parler jeux vidéo avec Thomas de Wavre également. Salut Thomas. Salut. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Bon, ça va bien, ouais. Eh, hey, dis donc, c'est pas trop loin. Dimanche, tu viens nous voir? Ouais, je viendrai. Bon bah j'espère, on sera à Charleroi, on fera l'émission de 20h à minuit en direct de la friterie Alba. Donc bah je compte sur vous pour venir nombreux et nombreuses nous voir. Il y a Toff qui sera à la caisse, il y a Polo qui fera le service, ouais. Et puis non, Toff fera la cuisine, moi je serai à la caisse et Polo fera le service. Autant vous dire qu'il risque de ne pas y avoir beaucoup, de plus y avoir beaucoup d'assiettes à la fin de la soirée. Mais on verra. Quoi qu'il en soit, on fera des petits menus spéciaux, Mickaël, nos limites. Ouais. Donc ça va être du lourd, voire même du très très lourd. Bon. Eh ben, rien que pour ça, je ramènerai mes potes. Cool, eh ben, avec plaisir Thomas. Et en plus, on va faire des jeux devant la friterie hein, pour gagner des cadeaux et tout, donc ça va être cool. Bon, ouais, alors, dis-moi Thomas. Oh, ben, en fait, une fois, je jouais à la Xbox donc avec mes potes. Et puis une fois, vous êtes parti sur Call of Duty, je pense, on avait rencontré un petit kikou là, le petit kikou lol là, et ouais. Il pleurait en fait tellement qu'il perdait, il pleurait. Ça nous faisait rire nous, et puis à un moment il dit ouais j'arrête la Xbox. Et du coup on rigolait. Vous foutiez de sa gueule? Bah un peu quand même, mais après je lui ai envoyé un message pourquoi et tout, et bah, après toi on était sympa avec lui quoi. J'ai pas tout compris, hein. Je dois te cacher quand même. Je pense que je... Qu'est-ce qu'un tiki coulol? C'est quoi? C'est un gâteau? Bah c'est les doux, comme vous appelez en fait. Ah ouais, non, mais ah, mélange pas. Ah, il y avait un doux. Bah oui, faut pas tout mélanger, ouais, sinon on comprend plus rien. Parce que nous, en Belgique, on dit kikou, c'est pour ça. Bah non, pas spécialement. Je suis en Belgique, je suis belge, j'ai jamais entendu ça de ma vie, hein, les kikou. Bah nous, de notre côté, ouais, on dit ça comme ça. Ah, peut-être à Wavre après ça, je sais pas, ouais. Mais en tout cas, moi j'ai jamais entendu, hein. Moi je suis de Bruxelles, j'ai jamais entendu kikou. Mais ouais. Bon. Pas grave après hein. Et donc du coup donc c'était un petit et puis après il y a un autre jeu sur lequel t'as galéré ou pas? Ouais FIFA. Ah lequel? 14? Ouais 14. Oh là là, comment tu peux galérer? Oh bah, j'y joue pas souvent en même temps. Ah d'accord, moi je suis en World Class. De quoi? Ah ouais. D'ailleurs si vous voulez faire un petit battle contre moi, alors évidemment là je joue, on peut faire des battles sur l'iPhone parce que j'ai pas de PSN, mais sur l'iPhone, si vous avez un iPhone ou un iPad et que vous voulez faire un petit match contre moi, n'hésitez pas à taper Mickaël No Limit pour m'ajouter et puis on se fera un battle. Je suis sur aucune défaite. Je crois qu'il y a eu, j'ai fait 8 matchs avec des auditeurs, j'ai eu 6 victoires 2 nuls. Pas mal. Ça fait longtemps que j'ai plus joué là, c'est vrai. Je demanderai à mon frère qu'il te batte alors. Et bon, alors là, bah, je l'attends. Alors je peux te dire que j'ai aucun problème avec ça, moi. Je vous attends. Nombreux, nombreuses, vous venez, il n'y a pas de problème. Venez m'affronter, aucun problème. Tapez Mickaël No Limit sur si vous avez l'iPhone sur FIFA 14 et puis moi je joue, il n'y a aucun souci. Ouais. Bah, merci d'avoir appelé Thomas. Ouais. Et puis rendez-vous dimanche alors. Ouais, ben pas que fun, on va te gérer ça au standard. On va te remplacer Sandro. Salut, à bientôt Thomas. Salut. Ciao. Salut. Et avant de parler des plans 3, avant de prendre Jean-François également, eh bien nous allons justement faire les appels. Puisque comme on était dans les plans à 3, eh bien je rappelle que ça c'est grâce à notre ami Cameron Diaz hein, qui est en chien là, elle a 41 ans, elle est encore célibataire, que finalement elle s'est dit bah, qu'elle était pas fermée en fait, hein, elle était même plutôt ouverte à tout. Pour l'avoir vue en vrai, elle est super moche hein. Ouais, alors sans maquillage, c'est vrai que c'est pas terrible. Elle a des plaques rouges sur toutes les joues, elle est dégueulasse. Ouais, c'est vrai quand on la voit à la télé, elle est maquillée tout ça, ouais. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais en vrai, ouais, c'est un peu plus dur. Mais bon, elle a quand même dit qu'elle était ouverte à tout. Bah, et puis c'est ça. Dans l'état où elle est off, de toute façon, il y a pas. Ah moi je chipote pas dans le détail. Pas. Voilà. Bon, on va donc appeler des gens au hasard, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff comme tous les soirs, toph@funradio.fr. Eh ben c'est parti, on y va, on appelle, tu vas leur demander s'ils ont déjà pratiqué le plan 3. Oui, enfin, s'ils sont prêts déjà à envisager la question. Voilà, allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Et puis on aura Pitbull après aussi. Hein. We are one avec Gilo. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous seriez ouverte à un ménage à trois. Pourquoi pas? Ah bah non, bah pour savoir madame. Ouais. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. D'accord. Voilà, une bonne soirée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. C'est une grosse... Ah bah non, attends, elle a dit que c'était une grosse connerie. Ah oui, attends, ah on va bah la rappeler surtout. Ah bah voilà, oui. Donc, je me dis putain ça y est, elle dit oui, non, machin, là. Voilà. Pépère. Et après elle dit c'est une grosse connerie. Bon, non mais vraiment. Pas. T'as dit c'est une grosse conne aussi. Hein. Ah peut-être. On va la rappeler. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais qui a cru que c'était une connerie, mais alors que pas du tout, ma question était très sérieuse. Ouais, ouais. Vous êtes sur Fun. Mickaël No Limite. Ah, pas du tout, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que je connais l'émission, je l'écoute. Ah bon, d'accord. Bon, bah d'accord. Bah, alors, c'est dommage, vous... hein. Bah oui, du coup, bon, bah tant pis. Hein. Un voilà, bisou à toute l'équipe. Bah bien sûr, un bisou à vous aussi et à votre femme, monsieur. Voilà. À merci. Toi, à Sandro, à Mickaël et à toi. C'est toi aussi, Toff. Merci, bon, à bientôt. Merci, ciao. Ciao. Eh, il aurait pu dire te faire enculer aussi, hein. Ouais, le petit salut, il est sérieux. Ouais, t'aurais dû l'insulter parce qu'il m'a oublié ce bâtard. Ah oui. Ah, il a dit Polo. Non. Non, je pense pas qu'il a dit Polo. Non, il a dit Toff, Sandro et Mickaël. Ah ouais. Ah, quoique maintenant tu me mets un doute. Non, ouais, il me semble qu'il a dit Polo. On va faire un plein de doute. Ouais. Ah, bah, ouais. On va réécouter, mais je crois peut-être. Bon, on fera d'autres appels dans moins d'une heure. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu tout à l'heure également. Et puis Tom, ce qui dit vous vendez du rêve, il faut l'appeler plus souvent Virginie. Non. Non, non, non. On ne l'appelle pas Virginie, c'est elle qui nous appelle. Ouais. Et Benjamin qui dit souvent. La honte pour le Nord avec cette cassose de Virginie. Oh non, non, elle est gentille. T'es pas gentil, Benjamin. Et Amel qui dit coucou la team, je veux un coup de pelle, je suis arrivé en retard. Ah oui, tu l'as déjà eu tout à l'heure, toi. Et alors, Benjamin qui dit mon jeu préféré, c'est Crash Bandicoot. Jamais joué Crash Bandicoot. Moi non plus. Faut que j'essaye. Et Théo qui dit moi pour les jeux vidéo que j'aime c'est Call of Duty Ghost et pour les jeux que je déteste League of Legends. Et tu pourras passer Black Pearl de Rebel. Bien sûr je le mettrai tout à l'heure. Ah il y a un jeu qui m'énerve, c'est Football Manager. Ah oui, moi j'ai jamais compris. Le principe c'est que tu crées ton équipe et après ben tu les fais jouer. Donc en fait toi tu fais rien. Tu crées l'équipe, tu dis bah toi tu vas jouer à tel endroit, toi tu vas, tu sais, tu crées toute la tactique quoi. Mais après c'est pas toi qui joues, donc c'est ouais, pas. Ouais, mais c'est ça, prends une vraie équipe alors pour ouais, faire ça. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Bon alors Léo qui nous appelle d'Evreux là, qui voulait parler des ménages à trois puisqu'on vient de faire l'appel avec Toff là, malheureusement c'était une grosse connerie hein, comme la fille a dit hein, une grosse connerie. Ouais. Alors, toi, est-ce que t'as déjà pratiqué le ménage à trois, Léo ? Alors, c'était pas vraiment un ménage à trois que j'ai pratiqué. Ah bon, c'était quoi alors ? Je me suis retrouvé en fait, enfin, on va dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, je me suis retrouvé avec deux filles dans une piscine qui était en train de me branler. Tu t'es retrouvé tout seul avec tes deux mains, c'est ça ? Oh, sympa. Mais c'est un plan à trois. Attends, je vais te branler un peu par là. Non, attends, un peu par là. Non, mais c'est-à-dire, explique un petit peu plus en détail. Bah, j'étais chez des amis de la famille et elles ont leur fille, il y avait une amie à elle. Moi j'avais 11 ans. 11 ans ? Ah oui, c'est le détail. Ouais, t'avais 11 ans. Ah mais tu nous as déjà appelé toi, non ? Ouais. Il me semblait bien. Eh bah oui, je me souviens. Ouais. Bah oui, en même temps, t'avais 11 ans, je me souviens de l'histoire, hein, je confirme. Putain, mais t'es doux. Quand t'étais doux, ça s'est passé, c'est énorme ça. Ah ouais. Ouais, parce que moi à 11 ans, par mois, y'a personne qui me branlait. Hein. Ouais, mais attends, elles avaient quel âge ? 15 et 16 ans. Mais comment à 15 ans t'as envie de te branler un mec de 11? Ouais c'est ça. En fait elle avait pas réussi à choper mon frère. Ah. Alors, du coup elle s'est rabattue sur le petit. Mais t'avais déjà quelque chose qui sortait là? Je sais même plus franchement. Elles ont été jusqu'au bout? Enfin même pas parce qu'après il y a son frère qui arrive dans la piscine mais. Ah ouais donc en fait t'as eu un petit avant-goût et puis va te faire enculer quoi. Ouais voilà. Au sens figuré. Juste le temps de l'excitation. Ouais c'est ça. Va te faire enculer gros bâtard. Exact, bah oui évidemment ouais. Va te faire enculer gros bâtard. Voilà. Mais et donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire maintenant, je sais plus. Ah ouais, donc du coup c'est un plan, pas vraiment un 3, mais oui bah oui, parce qu'au final il y a eu qu'un petit peu de branlette quoi. Ouais voilà. Même pas été jusqu'au bout ni rien. Bon bah écoute, oui bon bah ça arrive alors très bien. Eh bah merci à toi d'avoir appelé. Après, Léo. Par contre, aussi, vas-y. J'ai proposé un plan à 3 ma copine. Tu lui as proposé? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mon cœur. Ça te dirait un plan à 3 et tout, j'ai une meuf que j'ai rencontrée qui a frappé, il y aurait même sa meilleure amie. Et c'est ce qu'elle a répondu? Non, elle m'a répondu, il n'y a pas de souci. Merde! Je lui ai dit c'est vrai, elle me dit oui mais ça sera sans moi. Ah, oh là, c'est pas grave. Allez, elle t'a donné de l'espoir et puis rien, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Non, ça se fait pas. Non, mais elle a raison, la pauvre, ça se fait pas. Tu l'as pris pour un sac de pu ou quoi? Bah, elle est d'accord. Moi, je pense qu'elle t'a dit oui, donc tu vas voir, tu trouves deux autres meufs. Mais oui, ouais. C'est ça, n'importe quoi. Bah ouais, moi, franchement, je crois que ça. N'importe quoi. Bon, bah, merci d'avoir appelé en tout cas Léo, là, t'en viens quand tu veux. Une dédicace? Bien sûr, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Une dédicace à Eddy, un de mes meilleurs amis, avec qui nous arrive plein de galères en même temps. D'accord, eh bah, le message est passé. Salut à toi, Eddy. Salut à toi aussi. Ouais, passez une très bonne soirée. Ciao. Et bah merci beaucoup Léo, merci de la fidélité. Et puis surtout préviens tes potes hein, si c'est pas encore déjà fait. Tout le temps. Bon alors c'est parfait. Toujours fidèle. Eh bah impeccable, merci Léo, ciao à toi. Bonne soirée. À bientôt. Et puis on a Anna maintenant, on va donner la réponse Anna là pour la colle hein. Oui. Bon, on va y aller, on est un peu à la bourre là. On y va, il y avait la GoPro à gagner, bah il y a toujours la GoPro à gagner, tu avais posé une colle et il fallait trouver la bonne réponse. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante éventuelle. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, il ou elle gagne. Si elle ne décroche pas ou ne donne pas la bonne réponse, c'est toi qui gagneras. D'accord. Allô ? Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Joséphine. Ah bah du coup là c'est pareil donc. Ouais, ah non, donc on n'aura pas la question. Non, il y a une coupure, merde. Joséphine, c'est ça ? Oui. Très bien, Joséphine, t'as quel âge, tu es dans quelle ville ? Alors j'ai 30 ans et Carcassonne. 30. Ah ouais putain, elle est 30 ans. Ah ouais, ouais, c'est une spéciale, accent en fait. Et de Carcassonne, très bien. Bon alors du coup, Joséphine. Oui. Il y a Anna qui avait une question, une colle à te poser, vas-y on t'écoute. Elle était où la pregunta pour vous. Hier je suis coulé. Aujourd'hui je suis cloté, demain je disparais. Qui suis-je? Un glaçon. Non. C'est quoi? Un glaçon. Eh bien j'ai dit un glaçon. Ah oui, c'est ce qu'elle a dit Anna. Ah, quand j'ai pas entendu. Ah oui, alors toi tu dis non, toi. Au lieu de dire j'ai pas entendu, tu peux répéter, c'est non, on sait jamais, non, sur un malentendu, ça n'a pas marché. C'est parce qu'elle a pas dit un glaçon. Ah, un glaçon, d'accord. Un glaçon. Bon, eh ben Joséphine, bravo. Merci beaucoup. La GoPro est pour toi, puisque la réponse était effectivement un glaçon. Bah, je t'en prie, écoute, Joséphine, sans problème. Bon, attends, eh ben, Michael, je peux passer une dédicace? Mais évidemment, avec un accent pareil, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, je dédicace à tous les fans de Tiesto et à ma sœur Anaïs. Très bien. Eh ben, espagnol, j'ai passé de Tiesto. Pourquoi? Non, Joséphine, t'es espagnole? Oui. Ah. Pourquoi? Non, parce qu'elle avait un accent. Ah oui. Eh ben voilà, Joséphine, bravo à toi, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Salut, ciao. Et puis, bah, Anna, malheureusement, c'est perdu. Tu retentes quand même ta chance quand tu veux. Oui, hein. C'est la deuxième fois. Bah oui, oh, écoute, tu n'as jamais 203. Allez, à la semaine prochaine. Ça va, allez. Merci, au revoir. Salut, Anna, à bientôt. Ciao. Oui, et dans quelques minutes, nous parlerons évidemment jeux vidéo avec Mehdi, avec Ambren. Et puis, nous aurons également The Surprise. Motherfucker. Une surprise quand même. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Et on écoute Pitbull maintenant. Pourquoi ça marche aussi peu fort là, dis donc? Attends, je vais la remettre. Ah bah ouais. Et le son de Pitbull et Gino à l'instant, c'était We Are One. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu avec Laurine, les appels de taf à suivre. Et Steven qui dit Mickaël, tu pourrais mettre un petit pet de message de bienvenue. Bah oui. Attends, je vais te le mettre là. Bah voilà. Il y avait quoi également? Devers 45 qui dit celui qui m'a cassé les couilles, c'est Dragon Ball Z Tenkaichi 3 sur PS2. Et celui que j'aime, c'est GTA 5 sur PS3. Et évidemment, ça marche pas mal les GTA aussi. Et 69 degrés qui dit moi j'ai joué à FIFA mais sur ma tablette car ma meuf a cassé ma play. Et bah voilà, 69 degrés, on peut faire un match hein, si c'est un iPad en l'occurrence hein, puisque je crois que ça fonctionne que entre iOS du coup malheureusement. Et Nadia Le Prince qui dit moi j'aimerais Red Faction sur la PlayStation, j'éclatais les cervelles à tout bout de champ, ça me détendait, c'est un vieux jeu. Sympa. Tu peux venir éclater les gueules de toi si tu veux, hein, sans problème. On parlait jeux vidéo avant de la petite surprise là dans quelques minutes. Il y a Mehdi qui est avec nous également. Salut Mehdi. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bon, oui, très bien. Ouais. Alors Mehdi, c'est quoi ton jeu préféré, ton jeu vidéo? Moi, c'est Black Ops, Call of Duty et Ghost. Mais tu sais que c'est interdit au moins de 16 ans, ça. Mais Mehdi, oui. Hein? Mais je me dirais même coups, 18. Dis donc, et en plus, t'es un doux là. Est-ce que tu veux faire partie de l'armée des doux officiellement? Ouais. Ah bah très bien, attends, je te passe Polo, hein, c'est lui le chef. Mehdi, veux-tu faire partie de l'armée des doux? Oui. De la confrérie sacrée des doux. Quel âge as-tu, oui, Mehdi? J'ai 13 ans. Très bien, est-ce que tu es doux? Bah, es-tu d'une douceur impeccable? Pas vraiment. Pas vraiment? Bon, il faudra que tu te laves un peu. Mehdi! Ouais. Insulte-toi, mais avec des vulgarités correctes. Je peux rien dire. Non, genre, je suis un connard et tout. Vas-y, insulte-toi, copieusement. Je suis une grosse salope et je me mets deux doigts dans le cul. C'était magnifique. Mehdi, prends ton téléphone et tape-le-toi sur la tête. Ça va faire mal, non? Ben oui, ben c'est ça. Le but. Vous êtes vraiment des Allez, connards. Allez, un. Deux. Stop, ça suffit. Mehdi, tu es officiellement... accepté, intronisé dans la confrérie des doux. Bravo. C'est un honneur, monsieur. Eh ben oui, et attention, Mehdi, grâce à ça, tu deviens élite dans l'émission et tu peux donc passer deux messages à la fin de l'émission. Deux dédicaces, alors que les autres n'ont droit qu'à une seule, évidemment. Ouais, tu te rends compte du privilège que tu as. Eh oui, grand privilège. Bon, et il y a un autre jeu que t'aimes pas ? C'est la Sega Uncharted. Pourquoi ? Parce que c'est nul. Ah, je croyais que c'est parce que t'arrivais pas à la fin. Bah non, bah d'abord c'est nul parce que on peut rien faire dans le jeu. Ah oui, c'est con, effectivement. Oui. Un jeu où tu peux rien faire, c'est un peu... Oui, c'est complètement con, oui. Et bah voilà. D'accord, mais c'est une bonne explication. Je pense que grâce à ça, je n'irai pas acheter le jeu. Bah, je peux passer une dédicace. Ah bah deux même maintenant, puisque je te rappelle, t'es membre élite. Ouais. Bah, je fais une dédicace à ma classe, entre parenthèses, P5J. P6J. Parce que c'est en primaire. Très bien, j'ai déjà oublié. Ouais, il se souvient plus de sa classe. Ouais, et puis deuxième, du coup, tu peux y aller. Et à Tof. Ah, oh, merci, tout ça pour gâcher. Tout ça pour gâcher avec Tof. Oh là là, Mehdi. Non, merci, Mehdi. Mehdi, moi aussi. Non, mais c'est con, je le déteste. Ah, ça, moi aussi, c'est bon, je t'aime, Mehdi. Voilà, là, t'es un bon doux, là. Très bien. Donc, ouais. Je la passe à Mickaël. Eh ben voilà, ça, oui. C'est un battle, ça. Passe ça, la dédicace c'est à ton voisin. Battant, plutôt, même. Bravo à toi, c'est très bien. Oui. Bon, salut à toi, Mehdi. Salut. Ciao, à bientôt. Tous les jours. Eh ben, c'est gentil, Mehdi de Bruxelles. Merci, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok. Salut à toi, à bientôt, ciao à toi. Jean-François. Jean-François. Oui, Mickaël. Comment ça va ? Salut Jean-Jean. Ça va ? Tu sais que tu as manqué aux auditeurs. Ça va. Tu sais que ce midi, quand on est arrivé à la radio, on a rencontré deux filles avec Polo devant la radio, ouais. Et deux meufs qui demandaient « Ah, il est là, Jean-François ?» Bah, je dis « Non, travaille pas là, il est au téléphone, c'est un auditeur. »« Ah non, mais est-ce qu'on peut le voir, Jean-François ?» Bah, je dis « Je sais pas. » Donc, du coup... Jean-François. De quoi ? Elle me vole. Ah oui ? Bah oui, mais t'es devenu un sex symbole, Jean-François. Toutes les femmes rêvent de toi. Ah oui, évidemment. Ah ouais, tu es un symbole, toi aussi. Tu es la bite maintenant, on t'appelle la bite. Exactement. Le membre. Ah, ouais, faut m'appeler la bite. On t'appelle de Big Ben. Big Ben. Exactement, ouais. Big Ben. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc, il y a des auditeurs qui avaient demandé après toi, Jean-François. Qui ça ? Bah, des auditeurs, et devine qui ? Alexandra ? Non, Cristal. Cristal, ah, ma Cristal. Eh oui. Ah, c'est ma Cristal. Allô ? Allô, Cristal ? Allô, Jean-François. Oh. Bonsoir, Cristal. Oh, Jean-François. T'as vu, j'ai un survêtement, j'ai pas de caleçon dessous. Tu es tout nu ? C'est tout nu. Oh, tu peux la prendre dans ta main ? Elle a ma main, ma Cristal. Oh, elle est dure ? Elle commence. Oh, vas-y, astique-la. Ça te dirait que je vais mettre ma langue au bout de ton gland ? Elle est dure, ma queue. Oh, elle va durcir. Elle devient bien dure. Oh, j'adore quand elle est dure. J'aimerais bien que tu me la fourres bien au fond. Que tu m'écartelles les fesses. Tu voudrais qu'elle te pénètre ? Oh oui, avec ton gourdin. Oh, que... je te pénètre très bien. Oh oui, j'aimerais bien que tu remontes ton gland jusque dans mes amygdales. Oh, mon Dieu, tu m'excites, toi. Oh, mais oui, toi aussi. Dis-moi ton nom. Jean-François. Oh ! Oh, dis-le encore. Jean-François. Oh là là, j'ai les tétons tout durs. T'as oh, dis-le encore. T'as un orgasme ? Oh, pas encore, mais j'ai les tétons tout durs, là, je les sens. Attends, je me lèche le téton. Oh ! Oh oui, encore. Jean-François. Oh oui, plus fort. Jean-François. Oh oui ! Oh là là ! Oh là là, je mouille. Oh, je mouille. Oh, j'ai mon string tout mouillé. Ah oui, tu te pénètres. Oh oui. Oh, prends-moi violemment. Ah, je te prends pas derrière. Hein, oh oui, arrache-moi le string avec les dents d'abord. Non, je te bouffe le clito. Oh oui. Oh oui, bouffe-moi mon clito. Je bouffe ton clito. Oh oui, avale ma chatte. Après, je te prends pas derrière en levrette. Oh oui, vas-y, défonce-moi. Mets-moi la fessée, écris ton nom. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Oh oui, plus fort encore. Oh, mais oh là, oui. Tu m'excites. Oh oui, toi aussi, crie ton nom. Crie-le bien fort. Crie ton nom. Oh toi, oui. Crie ton nom, oh, Cristal. C'est Cristal. C'est Cristal, défonce-moi. Défonce-moi. Passe-moi Alexandra. Attends. Attends, elle est sous la douche. Attends, je te la passe, elle est là. Oh là là, on est chaud dans les chaudes. Qui est ton nom? Je suis chaude. C'est là, Jean-François. Là, je suis avec Cristal. Je me caresse, je me doigts. Oh là là, grosse chienne. Mais ils sont plusieurs. Ah oui. Tu peux naître avec Alexandre. Ah, mais oui. Vas-y. Ah oui, branle-toi. Branle-toi plus vite. Voilà. Plus fort. Plus loin. Ah, fais-moi écouter, fais-moi écouter ta bite. Oh. Voilà, fais-nous écouter ta bite. J'en rassure-toi, toi aussi. Oui, mais on se touche toutes les deux. Je me claque le minou. Voilà, oui, c'est ça que je veux, Jean-François, encore. Oh, bah, blow autre chose, Vincent, viens. Blow autre chose. Dis ton nom parce que ça me fait mouiller, vas-y. Jean-François. Plus fort. Jean-François. Ah oui, vas-y. Jean-François. Oh, c'est bon, ça. Oh, je bande. Vas-y, bande. Vas-y, plus fort. Écoutez ton sexe. Vas-y. Et toi, tu m'aimes? Oui. Je vais jouer. Oui, je vais te mettre des doigts dans le cul. Tu mets dans le cul et Alexandra dans le voisin. Ah oui. Oui. Oh là là. Eh oui, oh, c'est trop bon. Fais-moi écouter ta bite, Jean-François. Toi dans le cul, ma belle. Alexandra. Fais-moi écouter ta bite. Oui, fais-nous écouter ta bite. Jean-François. Oui, ça fait écouter. Oui. Allez. Encore. Non, oh, oui. Allez, vas-y. Oh, plus entendu. Vite. Plus vite, c'était trop lent. Oui, là, c'est gérant, on a rien entendu. Jean-François. Oh, je suis pas prêt en érection. Jean-François. Jean-François. Oui. C'est pas, mais là, t'as même pas demandé après moi. Oh, excuse-moi ma puce. Oui, mais je suis quand même assez déçue. Hein. Cristal, elle est avec nous. Cristal. Oh là là, on se met un peu en échec, là, c'est pas chaud. Bah, Alexandra, comment ta vie, là? Comment ta vie? Ah, ben moi, je suis une petite nisette et j'ai le minou à l'air et les fesses à l'air. Voilà. Tu sens une jupe? Non, je suis Alexandra, un petit... Oui, Cristal. Claque-toi le minou. Oui, fais-nous écouter ta chatte. Ah, tu veux? Oui, je veux entendre ta chatte. Oh là là, ça m'excite. Jean-François. C'est chaud là. Ah vas-y Jean-François. Fais-moi écouter ta bite Jean-François. Ah pour une fois que je suis tranquille toute seule. Allez. Allez Jean-François. Y'a Pamela, on est trois filles, rien pour toi. Allez. Et Vanessa, elle est pas là? Mais si, elle est là. Allô? Allez plus. Plus vite Jean-François, plus vite. Plus vite, on n'a pas que ça à foutre. Écris ton nom Jean-François. Voilà. Jean-François. Continue plus fort. Voilà, dis ton nom, ça va nous faire rire. Toi, un doigt. Allez, Jean-François, plus vite. Allez, plus vite, allez. Je vais jouer, Jean-François. Moi aussi. Je vais jouer, je suis au bord. Allez. Je suis, oh là là, j'ai l'orgasme au bout des lèvres. Alexandra. Oui, je suis là, Jean-François, là, mais dis ton deux, nom, ça va me faire jouir. Allez, vas-y. Masturbe-toi. Regarde, écoute, Jean-François. Attends, j'ai écouté ma queue. Oui. Oui. Hein? Écoute bien. Oui, vas-y. Écoute bien. Oui. Allez. Écoute bien. Oui. Oh là là. Oh oui. Oh, continue, Jean-François. Continue. Hein? T'as entendu? Oui, enfin, de très très loin, hein, mais bon. Oui. Écoute, hé, Jean-François. Jean-François. Oui, dis-moi. Ça va t'exciter, on va se claquer les clitos tous les trois en même temps. Oh, ça veut en même temps. Allez, toutes les trois en même temps. Ah, on y va, les filles. Hein. Ah oui, on y va. Allez. Alexandra, Alexandra. Oui, on fait là. Alexandra, sois concentrée. Oui. On y va toutes les trois en même temps. Allez, on se masturbe. Un, deux, les trois. Trois. Allez, jouis. Oh, ça m'excite. Je veux le nom de Jean-François. Oui, écris ton nom. Voilà. Dis ton nom. Écris ton nom. Oui, j'ai mes doigts dans le vagin et dans mon anus. Allez, dis ton nom. Jean-François, dis-moi ton nom. Allez, Jean-François. C'est ça qui me fait mouiller, vas-y, allez. Oui, là, je vais jouer. Eh ben, vas-y, viens. Je vais jouer, là. Eh ben, viens. Tu veux qu'on se regarde encore un petit moi, peu avec Sandra. Pardon? Je vais en tant que moi. Oui, mais vas-y, jouez. Allez, vas-y, viens. Jouez, Jean-François. Vas-y, plus vite, vas-y. Oui. Allez. Oui, ah oui. Ah oui. Allez, Jean-François. Oh. Oh. C'est bon. Il a joué, alléluia. Ça y est, Jean-François, t'as joué? J'ai joué. 23h, 2h. Mickaël, nos limites, sur Fun Radio. Fun Radio. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça hein. En tout cas, on rend service à la société. Oui. Voilà, si vous êtes là ce soir sur Fun Radio, eh bien vous avez bien fait, il est 1h17 du mat. C'est Mickaël No Limit, on est au cœur de la nuit sans pub. Avec Megumi qui dit bienvenue sur Radio Zboob. Et le Poupon qui dit aussi, vous êtes vraiment des gros malades mentaux. Mais non, je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Allez Mickaël No Limit, on est là sur Fun Radio tous les soirs, grâce à vous. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, il est toujours en direct sur Fun Radio avec 69 degrés qui dit je me suis pissé dessus. Ah bah écoute, Jean-François a fait autre chose, hein, mais bon après ça c'est quelque chose d'autre. Ah, Léa qui dit des gros barges, vous abusez là, il y a Ricardo aussi, vous êtes vraiment des malades, des salauds, je me tape des barres dans le camion, merci pour vos soirées, vous êtes énormes. Merci beaucoup Ricardo. Il y a quoi aussi, Toff, tu me fais bander enculé. Oh, quelle horreur, 69 degrés là. Jesse qui dit c'était énorme, je suis mort aussi, c'est Nico. Et alors Fred S34 qui dit oh my god, j'en peux plus. Il y avait Crossip aussi, enfin c'est Benjamin qui dit il est mortel le Jean-François. Et Vladimir qui dit je suis plié. Nathan également là, pour les jeux, c'est Infamous Second Sand sur PS4, c'est de la pure bombe. Et enfin Nico encore qui dit ça va faire mal. Oui, c'est le but, vous êtes vraiment des connards. Ah oui, c'était par rapport au doux qu'on a eu tout à l'heure là. Et Mikamzaki qui dit mon jeu préféré c'est Assassin's Creed, mais je pourrais pas dire le quels, ils sont tous tellement bons. Bon bah merci pour le message, en tout cas continuez à nous dire les jeux préférés, jeux vidéo que vous préférez, jeux vidéo que vous avez du mal à terminer justement et que bah pour sur lesquels vous galérez. On fera d'autres appels avec Toff. On a le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer dans quelques minutes, ce sera avec Laurine. Ah oui, il était et bon. Oui, il était très bon. Et d'abord on a Ambren avec nous de Brest dans le Finistère. Salut Ambren. Salut Mickaël, salut. Comment ça va? Bien et vous? Très très bien. Alors c'est quoi ton jeu pré-vidéo préféré toi? Alors moi c'est Titanfall. C'est quoi Titanfall? C'est quoi? Je connais pas. C'est le nouveau jeu qui est sorti avec tous les titans et tout ça, qui ressemble un peu à Call of Duty. Ah, c'est parce qu'il vient de sortir, je ne connais pas. D'accord, ok. Et tu l'as déjà? Ouais, je l'ai déjà, ouais, il est pas mal. Bon, très bien. Et celui que tu détestes? Je rage souvent, c'est Call of Duty Modern Warfare 3. Pourquoi? Bah, avec tous les campeurs et tout ça. Ah oui, t'arrives pas au bout. Ouais voilà. Eh oui, mais c'est pas grave, ça, il faut que tu t'étudies encore un peu moins et puis branche-toi un peu plus sur la console. Attends, on y arrive que quand qu'en travaillant. Hein. Ouais. Ah oui, bah oui, non mais c'est clair. Non mais c'est vrai. On arrive à nos fins que en bossant. La preuve encore une fois. Ouais, mais oui. Évidemment, évidemment, évidemment. Bon, et c'est quoi le prochain jeu que tu vas acheter là? Le prochain jeu, je pense que bah ça il va sortir en septembre, c'est Destiny. Destiny, ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, eh ben écoute, parfait, ben, merci d'avoir appelé Ambren. De rien. Eh ben, avec plaisir, salut et à toi, à bientôt. Hein. Et c'est pas Ambren, c'est Ambrin. Ah, c'est Ambrin, bah t'aurais dû me le dire depuis le début, Ambrin. Et eh Ambron, t'es comment? C'est drôle ça. Merde, je me suis gouré. Ah bah tu sais quoi? Hop. Voilà, c'est ce que tu méritais. Ouais, bon, bah merci. Salut Ambrin, ciao à toi, bye. Et... ciao. Bye. On aura Lucas dans quelques minutes, on aura vous aussi évidemment en direct et puis on va, comme je le disais, encore appeler quelques amis de Toff dans quelques minutes. Ah oui. Avant ça, on a Laurine qui est avec nous pour le chéri, je peux te faire cocu, qui était magistral. Oh là là. Ah oui, comment ça va Laurine? Ça va, merci. Bon, bah tant mieux, bienvenue à toi Laurine. Alors, 30 années Laurine de Marseille, la planète au Mars. C'est ça. Bon, alors Laurine, on va faire un petit chéri, je peux te faire cocu?

Et ben moi j'en connais qui ont été chiés pendant qu'on était en train de chiller là. Chiller, ouais. Ah ouais, Disclosure avec You and Me. Je vous avais demandé ce que vous en pensiez du son là, comme c'est la première fois que je vous le mets le soir là. Bah Yannadia Le Prince qui dit ça sort de l'ordinaire, ça change, c'est frais comme son là. Bon le son pour Lydie, c'est super fun pour Andy. Il y a Freestan qui dit j'adore le son, il pose trop là, très bon concept musical. Bah et tant mieux, alors vous avez l'air de bien avoir aimé. Tour de table aussi, Polo. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Alors moi. Ah moi j'aime bien, ouais. Très bien, Sandro. Ouais, je t'ai écouté. Ah, bah, voilà. Putain, qu'est-ce qu'il y a de relou, celle-là. C'est ton téléphone. Arrête ton cinéma, t'es voilà en train, t'as même pas le téléphone au téléphone. Arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Ouais, c'est ça, elle tweetait, ouais, c'est plutôt ça qui s'est passé. Bon, avant de parler avec Lucas, notre ami qui a la phobie d'aller aux toilettes, il ne prend pas de plaisir à aller chier. C'est dommage, moi j'adore ça. En voilà tout un programme. On va donc encore appeler, grâce à Cameron Diaz, des gens afin de leur demander s'ils ont déjà pratiqué le plan 3 ou ils sont du moins prêts. S'ils sont prêts à envisager la question. Cameron Diaz donc a dit, pour ceux qui débarquent, eh bien que comme étant un peu en galère, hein, 41 ans, elle n'était pas fermée totalement. À avoir deux mecs à la maison. Exactement. Donc on va l'appeler. Ah bah allons, Cameron Diaz Non, pas Cameron Diaz, mais on va appeler les personnes, numéro de téléphone que les auditeurs nous ont envoyé sur ton mail, toph@funradio.fr. D'ailleurs les autres, faites-le, hein, ce soir on n'aura pas le temps, mais demain, dès 23h, on remet le couvert évidemment. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant en direct sur Fun, 1h43. Et on est en direct jusqu'à 2h. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous êtes prêt pour un ménage à trois, monsieur. Et si je te fais enculer tout de suite, tu es prêt? Je t'encule avec un balai brosse. Je vois pas pourquoi vous dites ça, monsieur. Ça va te faire. Et ce numéro de téléphone, tu l'évites de nous appeler, ok? Bah oui, mais enfin, monsieur, faut pas vous énerver comme ça. Oui, mais si ça vous fait rire, laissez-nous tranquille, on porte plainte. Mais enfin, monsieur, allô? Ah, je t'encule avec un balai brosse. Oui. Ça doit être sympa. Ça doit faire mal, surtout. Ah, il a des pratiques un peu particulières, monsieur. On va quand même le rappeler, hein. Il avait l'air gentil, ce serait dommage de le laisser partir si vite. Adorable. Vous trompez de numéro. Hein, ah non, pas du tout, madame. Je voulais savoir, en fait, si vous étiez prête pour un plan à trois. Pour un ménage à trois, est-ce que vous seriez prête? Et vous êtes prête pour un coup de poing sur votre gueule? Pourquoi vous dites ça, madame? C'est pas gentil. Allez-vous la prendre au cul, vous et toute votre race. Et maintenant, je vais appeler les flics, leur demander, leur dire que j'ai reçu un coup de fil pour faire ménage à trois. Bah. Hein, ça, c'est moi qui vous le dis, j'ai du monde dans la police et j'ai passé un coup de fil. Bah. Hein, et on saura de qui vous êtes. Ah bah, ne moi, vous inquiétez pas. Moi, je suis tof, madame. Hein? Non, je suis tof. Et moi, je suis merde. Si vous voulez, madame, mais parce que du coup, ça répond pas vraiment à ma question, tout ça. Hein, si ça va, répond pas à votre question, j'en ai que faire. Et pour ne pas dire que foutre, vous voyez, même si mon père sort de sous terre. Oui, enfin, c'est pas très poli tout ça, madame. Et j'en ai que faire, si c'est pas très poli. Vous, votre femme et toute votre famille, ménage à trois. Oui, mais c'est pas la question que je vous pose, madame, ça n'a aucun rapport. Non, monsieur, je m'excuse, je ne suis pas une qui à qui on déroule le tapis, hein, monsieur. Ah bon? Mais vous préférez qu'on vous déroule quoi, alors, madame? Arrêtez de pas de dire vos cochonneries, et puis merde. Mais je vous dis pas de cochonneries, madame. Allô? Elle a tout de même un sens de la répartie assez improbable. Hein. Oui, c'est bizarre. Assez c'est impressionnant, j'ai envie de dire. On va la rappeler encore un coup, hein. Oh, bah allez, une petite dernière, parce qu'elle a quand même des bonnes expressions. Oui, et puis après, je serai tellement impatient de récupérer Lucas. Allez. Oui. Oui, je m'excuse, madame, mais je comprends pas pourquoi vous dites que je vous ai dit des cochonneries. Les ménages à trois, vous les faites chez vous à Paris. Oui. Chez nous en Corse, on n'en fait pas de ménage à trois. D'accord, mais je vous ai pas dit cochonneries, madame, quand même. Hein, vous avez compris? Ben, pas trop, non. Hein, pas trop, non. Moi, je vous dis qu'en Corse, on est correct. Oui, mais moi aussi, je suis correct, madame. À Paris, vous faites des ménages à trois, faites-les à 6, à 12, à 15, à 18 et à 20. Allez, sur ce, monsieur, oui. Passez une excellente soirée en faisant ménage à trois. ou à 6 ou à 2 ou à 12. Hein? D'accord. Allez. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, du coup. Ouais, mais enfin, t'as souhaité une bonne soirée. Oui, c'est vrai. C'est comme le principal, je pense qu'il vaut mieux rester sur cette note positive. Oui, restons. C'est mieux, c'est mieux. Sur cette note tendre. Voilà. Et Steven qui dit, je voudrais bien que tu dises dédicace à Steven au moins une fois, vu que mes parents écoutent. Ah bah voilà, Steven, voilà, dédicace à toi. Et Nadia Le Prince qui dit, la phobie du caca, c'est un gros débat. Bah écoute, oui, alors justement, alors Lucas. Oui, oui. Ah voilà. T'es un doux, toi, Lucas, hein? Comment? Je dis que t'es un doux. Ouais. Eh oui, encore un. Je rappelle que les doux sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué. Et t'inquiète pas, Lucas, ça viendra un jour ou l'autre. J'espère, en tout cas, pour toi. Bon, alors, Lucas, je pense que j'étais certainement à moitié endormi tout à l'heure quand tu m'as parlé de... Enfin, quand tu m'as dit ce que tu voulais raconter. Donc, je vais te demander de répéter afin d'être certain que je dormais pendant que tu m'as dit que t'étais pas heureux quand t'allais chier. Mais... Tu prends pas de plaisir. En fait... Ok. Mais en fait, quand je vais aux toilettes, quoi... quand la merde elle coule quoi, ça me fait une sensation bizarre. Du coup, j'y vais plus trop. Je sais pas comment expliquer, mais ça. Comment fait une ça, sensation. Ça te fait une sensation bizarre. Parce que tu sais pas expliquer, mais il faut. Mais parce que toi, c'est cette partie-là. Qui attention, t'es sur un sujet tendu là. T'es sur un fil, sur le fil, ouais. Avec le coin. Non, non, mais là, j'allais rien dire de spécial. Je disais juste que ce qui t'a choqué dans sa phrase, c'est juste que quand ça coule, c'est pas j'y vais plus. Bah oui. C'est-à-dire que le mec il doit être constipé, un truc de ouf. C'est-à-dire que bientôt la merde va lui ressortir par la bouche. Mais non, mais j'y vais plus, t'y vas encore quand même. Pas trop. Non mais attends, tu peux pas te retenir comme ça, vitam aeternam. Ouais, mais... C'est beau ça, une expression latine. Mais en fait, ça mérite quoi. Quand ça sort, ça mérite sur le côté quoi. Ça hérite de quoi? Mais de la crème. Ah pardon, oui, j'ai compris, ça mérite. Bah non, oui, de ça sortir. Mérite. Non mais oui, il faut peut-être mettre de la crème. Mais le truc c'est que tu vas tellement plus jamais que le trou du cul est en train de se refermer. Ouais. Et quand, ouais. quand tu loues, forcément ça saigne parce que tu l'exploses. Bah voilà. Non mais va voir un médecin. Ce qu'on peut faire éventuellement, parce qu'après je sais pas si c'est déjà arrivé à d'autres. Qui c'est qui a déjà eu mal en allant aux chiottes? Non, en allant à la selle. Non, si moi en allant déféquer. Ça m'est déjà arrivé, mais tu sais, parce que parfois t'as des merdes bien bien dures et donc du coup t'as du mal à la sortir. Ouais, bah, mais ça m'arrive. J'adore. Hein. Mais ça m'arrive une fois de temps en temps. Ouais, ça me rappelle des trucs et tout. Oh. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Mais manger des trucs comme des fruits ou des trucs genre citron, pamplemousse, tu ouais, vas chier ta race. Ouais, exactement. Pour liquide, que ça... là. Ouais, pour que ce soit un peu la chiasse, quoi. Et pourquoi tu prends pas un... Comment on appelle ça? Un truc pour chier, là. Un dragée fuca. Non, un laxatif. Un laxatif. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Bah tu dois... Non, déjà, en parlant à ta mère, ouais, à ta mère, et tu lui expliques et tu lui demandes un laxatif, mais pas forcément beaucoup, mais tu vois, histoire de ramollir un peu, c'est un peu dégueulasse, enfin c'est médical, ramollir un peu pour que ça sorte. Bah oui, attends, tu vas quand même pas rester comme ça, ad vitam aeternam, je place deux fois comme ça en notre jour pour l'année. Moi je te recommande Microlax, parce qu'il est vachement sympa. Microlax? Ouais, parce qu'en fait c'est un tube et il faut se le mettre dans le cul. Ah, ça donne envie, tiens, tout de suite, effectivement. Ouais, c'est pour ça que je le recommande celui-là. Mais ça fait combien de temps que t'es pas parti aux chiottes? Je sais pas, là ça doit faire 5h, 6h. Oh, mais c'est rien ça! Mais force-toi à faire caca, ma gueule, va me prendre du pamplemousse, des citrons, des merdes comme ça, tu vois. 5h, 6h! Non, mais 5h, 6h, c'est rien! Ah, moi je crois que ça faisait 2 jours. Attends, moi ça m'arrive souvent quand je pars en vacances, je sais pas pourquoi, hein. Quand je pars en vacances, mais que aux États-Unis, me demandez pas pourquoi, j'ai pas le problème. Eh ben, j'arrive pas à chier pendant 2-3 jours. Ah ouais, mais c'est vrai, moi j'ai le même problème. Dès que je pars dans un endroit où je connais pas les chiottes. Pour tout le monde ça. Ah non, mais moi ça n'a rien à voir avec avec si je connais ou si je connais pas les chiottes. C'est juste que. Pourquoi tu. C'est quoi ton problème avec les chiottes? Il connaît les chiottes. T'as besoin qu'on te les présente. Bonjour, non, les chiottes, Toff, les chiottes. J'ai besoin d'apprivoiser les chiottes. D'apprivoiser. Ça n'a rien à voir, Toff. Si, c'est-à-dire que. Je peux pas aller chier dans une chiotte que j'ai jamais vu. Écoute-moi bien, le jour où t'auras envie de chier vraiment et que la merde elle est en train de couler, tu vas y aller dans n'importe quoi, mec, tu chieras même dans les bois. Ah ouais, non, c'est quand j'ai des petites diarrhées qui m'arrivent de temps en temps. Ouais, là t'as pas besoin de présenter les chiottes. Ah, j'ai pas besoin de présenter les chiottes, même les chiottes d'autoroute ça me va. Hein. Ah bah ouais, ça je peux pas. Hein. Ah ouais, bah. Mais quand t'as envie. Ouais, ouais. Quand la merde est là et qu'elle commence à te couler dans le pantalon, ouais, t'as merci, pas le choix. Toi, putain. Il faut toujours qu'il fasse la merde. C'est dingue ça quand même. Tiens, il y a Frédéric qui dit salut toute l'équipe, merci de rendre mon retour de taf agréable tous les soirs. Un petit message de bienvenue serait cool, avec plaisir. Un connard de votre espèce à ce moment-là qui emmerde le monde et a rien foutu sur terre. Eh ben voilà, et dites-moi si vous croyez que toutes les filles du chéri je peux te faire cocu se faisaient troncher à mort en rentrant à la maison histoire de se faire pardonner, continuer comme ça déchire. Bah j'espère pour leur mec. Oui. qu'il puisse éventuellement la punir, voilà. Et Samuel qui dit ouais, il devrait essayer un laxatif, voilà. Mais oui, franchement, il y a un moment, il faut que t'ailles demander à ta mère, il faut que t'en parles en tout cas. Mais oui, parle-en à ta rhum. Faut que t'en parles. Ouais, mais le problème, voilà quoi, le sujet. Mais alors, c'est pas peu, grave. C'est un peu gore. Mais non, mais attends, mais c'est ta mère. Attends. T'as vu à poil, t'as torché le caca. T'as torché le fion, tu vois. Elle t'a même décaloté le zbou pour être sûr que ça reste pas gaulé. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est bon, c'est ta mère. Elle te connaît, tu vois, elle sait ce qu'il y a. Mais oui, attends, il y a Franck également de Nancy. Salut Franck. Oui, salut Mickaël. Comment ça va? Ça va, tranquille, et toi? Bon, très bien. Alors, bienvenue à toi. Franck, tu veux donner ton avis, toi, par rapport à notre ami Lucas? Ouais, parfaitement. Moi, j'ai mon petit frère qui avait le même problème que lui. Donc, il fait des occlusions intestinales, hein, ça s'appelle comme ça, médicalement parlant. Et oui, j'ai entendu, il y en a un qui a continué l'actatif. Il y a aussi le truc qui est encore plus simple, c'est une cuillère à café de... Dans le cul. Tu te la mets dans le cul, non. Carrément, la cuillère à café. La cuillère à café de quoi? Tu purges. T'avalais une cuillère à café d'huile d'olive le matin au petit-déj, et en fait, ça permet de graisser les tuyaux. Non mais c'est sérieux ça? Bah oui, ouais, non, ouais. Mais il a raison, mais pas le matin au réveil, mais tu bois un petit peu de l'huile d'olive, pas oui, mais un petit peu, c'est bon pour le ouais. L'huile d'olive, hein, pas de l'huile de la palais d'aube là, de l'huile de foie de morue. Ouais, pas de la Kuwait quoi. Ouais. L'extra vierge. Extra vierge. C'est 100% naturel, ça n'a aucune incidence sur le corps humain et c'est super bon pour super bon l'huile d'olive. J'ai entendu Sandro, tu peux boire de l'huile d'olive. Ouais, mais une goutte, une cuillère à café. Pourquoi? Ouais. Ouais, pour la santé. Non, parce que en fait t'es obligé d'en boire parce que sinon tu rouilles de l'intérieur. Ah, donc il y a des moments où tu lèves les bras, ça. Ah, c'est pour ça. Bah oui, bien sûr. Rouillé, c'est pour ça que tu es obligé de boire une petite cuillère à café d'huile d'olive et puis comme ça t'es bien quoi. Bah d'accord. Bah voilà. C'est normal. Si après ça persiste, faut qu'il consulte après un proctologue, quoi. Déjà le médecin. Ah oui, comme ça va te mettre un bon tuyau dans les fesses, Lucas. Hop. Voilà, parfaitement. Après, et oui. Pour voir ce qui se passe. Alors moi j'avais un truc comme ça quand j'étais petit. Un petit toucher rectal. Enfin quand j'étais petit, j'avais 12 ans, je crois, un truc comme ça, 12-13 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais toujours mal au bide. Chaque fois que je partais à l'école, j'avais mal au ventre. Mais vraiment, hein, je faisais pas semblant, j'avais vraiment mal au ventre. Et donc on était voir un médecin. Et donc le médecin il m'a donné des cachetons, on a continué, j'avais toujours mal au ventre. Et en fait je stressais d'avoir mal au ventre dans les transports en commun où je ne pourrais pas aller aux chiottes. Forcément. Et donc en stressant ça me donnait envie d'aller aux chiottes, c'était la catastrophe. Jusqu'au jour où on retourne chez le médecin me dit bon bah écoute on va faire des examens, on va faire ça et ça. J'y sais quoi, bah en fait on va te mettre un tuyau, etc. Le lendemain j'avais plus mal au ventre. Ah là, tout va bien. Terminé, c'était fini, j'avais plus mal au ventre. Comme quoi c'est quand même souvent psychologique. De quoi? Et qu'il y avait un bouchon peut-être aussi. Ouais, bah peut-être. Mais là, je suis en angoisse parce qu'ils veulent me mettre un tuyau dans la bouche maintenant. C'est pas mal ça aussi. Oh putain. Oh putain, oui, une horreur. Je sais pas comment je vais faire, comment je vais survivre à ça. Ah, la fibroscopie, ah, ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien. Ah, mais ça fait mal ou pas? Ouais, bah ça fait un peu mal, mais ils donnent des. Soit ils font une anesthésie locale en filant des cachetons ou de la pommade à avaler. Ouais. Si vraiment ils doivent passer l'estomac pour aller voir en dessous, donc non, ils doivent pas aller. En fait, c'est parce que j'ai le clapet qui se ferme pas bien au-dessus de l'œsophage. Ils vont anesthésier, ils vont juste anesthésier localement, donc ils vont te filer liquide à avaler. Ça va être comme chez le dentiste, tu vas te sentir tout engourdi. Oh, et merde. En fait, ils vont te demander au moment où ils vont passer le tuyau d'avaler. Pour pouvoir passer le. Oh putain, je vais vomir, ça va être dur. Tu vas être bien, ça va être top. Mais qu'on m'endorme complètement, moi je préfère même quand j'ai une carie qu'on m'endorme complètement. Ça va te donner l'impression de vouloir vomir, exactement. Ça va être comme si on se mettait les dents au fond de la gorge. Oh, ça va être parfait ça. Bah bravo, tiens, déjà j'avais pas envie de le faire, mais à la merde j'ai encore moins envie. Hein. Ah bah ouais, maintenant, on t'explique. Ouais, mais il faut, mais c'est comme les gamins, c'est comme les gosses, il faut dire, mais non, t'inquiète, c'est rien, etc. Et bah maintenant, maintenant, j'ai pas envie d'aller. Voilà, maintenant, tu sais, c'est rien. Oh putain, bah non, si, justement, je sais que c'est grave. Oh là là, chier, merde. Le fait de passer, après, tu vas respirer par le nez, ils vont te dire de respirer par le nez, le passage, ça va durer quoi? Quelques secondes. Non, putain, quelle angoisse. Bon, écoute, de toute façon, on a pas le choix, on fera avec. Hein. Bon, bah merci, Franck, hein. Je t'en prie, bonne soirée à vous. Ah, merci. Je peux avoir un petit message de bienvenue, Michel. Bon, écoute, avec grand plaisir. C'est ton culé. Bien sûr. Voilà, bah la poussière de ta grand-mère. Bon, attends, je vais t'en mettre encore un autre, même si c'est gratuit celui-là. Donc t'es un sale pédé alors. T'es un gros cul, t'es mort. Voilà, t'es un gros enculé, t'es mort. Hyper PPI à travers les deux yeux, moi, tu vas voir. Je vais te demander ce qu'est la lumière, connard, on va. Connard, on va. Bon, bah, merci, Franck. Moi je vous suis toutes les nuits hein, dans mon camion, voilà. Eh ben c'est gentil, bah, bonne chance et prudent sur la route. Hein. Ouais, je te remercie, ciao. Salut Franck. Bon Lucas, tu nous tiens au courant, tu vas en parler à ta mère ou tu vas en tout cas essayer avec la petite cuillère d'huile d'olive? Ouais, ok, pas de soucis. Il va faire caca, force-toi, il faut travailler le trou du cul, faut que ça voilà. Tu prends un bon bouquin, t'assieds sur les shots et t'attends que ça tombe. Ouais, c'est ça, et puis voilà. Par étape, vas-y, par étape. Exactement. Vous faites chier. Oui, bah il aimera bien justement y aller, hein, mais bon, après, c'est autre chose. Bon, allez, salut à toi, Lucas. Est-ce que je pourrais avoir un cadeau, s'il vous plaît? Oh là là. Tu fais chier, que espèce de con. Oui, bon, écoute, on va te filer un pack fun. D'accord, merci. Ça roule. Ciao à toi, à bientôt, Lucas. À bientôt. Bye. On aura Polo contre le reste du monde. Polo ouais. Against the rest of the world. Ça sera dans quelques minutes et on va d'abord évidemment s'écouter un de mes sons préférés, autant le dire tout de suite. Jesse J, c'est DJ Cassidy maintenant. Calling on Earth sur Fun Radio et juste après on aura le top 8 tôt, évidemment. Bah alors, il démarre pas ce truc décidément, hein, ce soir c'est la merde. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il est bon le son de DJ Cassidy avec Calling All Hearts sur Fun Radio. 2h01, dans quelques minutes, il y aura et bien le top tweetos, on aura le générique de fin comme d'habitude, vous connaissez le principe évidemment maintenant, mais avant cela, Polo against the rest of the world. Ouais, bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio, merci car je suis numéro 1 la nuit et ça fait plaisir. Ah bon? Bah oui, j'ai reçu mes sondages et c'est le carton plein, c'est énorme. Je suis abasourdi. Le psychologue dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Bonsoir monsieur Polo. Ouais. Donc ce soir il faut parler un petit peu. Je t'emmerde, casse-toi d'ici. Guillaume, je t'écoute. Oui, salut espèce de enculé de merde, tu peux les crever toi espèce d'enculé, je t'ai toujours testé mais pourtant je t'écoute. C'est enfoiré. Même merci à toi Guigui. Marvin, 17 ans, le roi de l'humour, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Oui alors, concours de blague, tu veux le continuer ou pas? Non, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que je t'ai dit Marvin? Oui, non, mais oui, mais à chaque fois tu me dis de revenir tous les jours. Eh oui, j'ai... mais c'est pourquoi? Parce que je t'aime bien, Marvin. Car je t'ai promis le bannissement à vie. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, non, mais oui. Ça veut dire que tu ne reviendras plus jamais, qu'on ne se parlera plus jamais. Oh, mais non. Alors arrête, ça suffit, Marvin, fais pas l'enfant. D'accord, on change de sujet. Voilà, insulte-toi. Non. Si? Non, je t'ai pas le portable sur la tête. Marvin, insulte-toi. Je suis con. Voilà, merci. L'opportuniste dans Polo contre la Seconde, je sais quoi. Ouais, Polo. Ouais. Ouais, non, je t'appelle parce que je voulais te féliciter pour tes sondages et tout. C'est franchement, non, c'est vachement bien pour toi. Hein. Non, parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas appelé et tout, mais là, j'ai entendu parler de tes sondages et je me disais que non, c'était. Ça fait un moment. C'est vrai que quand j'étais en enfer, tu ne m'as pas appelé. Ouais. Oui, car j'ai fait un séjour de 3 ans en enfer. Oui, ouais, bon, ça arrive. Tu connais, tu sais, j'étais débordé. Ah ouais. Ouais, tu vois, j'avais pas trop le temps, beaucoup de mais taf. Et l'opportuniste, tout. Mais pourquoi t'as trouvé du temps maintenant pour ma plaster là? Bah parce que non, je me disais là, t'avais des bons sondages, et j'avais 2-3 projets dont peut-être on pourrait se parler. Mais tu te souviens qu'à l'époque tu répondais pas aux textos, t'avais pas le temps? Ouais, mais. Ouais, bah tu vas attendre maintenant, espèce de sale con, va. Monsieur le directeur, bien le bonsoir. Bonsoir monsieur Polo. Bonsoir. Bon, nous avons reçu les chiffres. Hein. Ah, c'est énorme, non? Ah, c'est énorme, mais pas vraiment pour vous, là, si ah bah tu si. Me permettre. Ah, si, si, parce que vous savez. C'est-à-dire que donc, le début de l'émission, là, n'est pas bon du tout. Ah, si. Et ça mais devient meilleur savez... après. Vous donc, ne savez pas lire les sondages. Oui, mais justement, alors d'après nos analystes, parce qu'il y en a beaucoup, apparemment, votre audience serait due à JB. Hein. Beaucoup d'auditeurs, apparemment, prennent l'émission, la vôtre en plein milieu, parce que le son d'explorant arrive derrière. Ah non, c'est moi qui crée la demande. Et alors, les gens restent écouter JB parce que je suis là, monsieur le directeur. Ah écoutez, non, alors nous on réfléchit pas comme ça, nous on réfléchit dans le vrai sens. Hein. Ah ouais, mais alors posez-vous, là, monsieur le directeur, posez-vous la question de savoir qui réfléchit correctement. Jordan! Oui, bonjour, vous êtes qui? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Est-ce que je t'en pose des questions, moi? Alors dégage d'ici, espèce d'idiot, va, Gilles! Ouais. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. In English, welcome in the Polo versus the rest of the world. Je t'écoute. Alors, no speak English. Ouais, bah je m'en fous, alors casse-toi. T'as qu'à apprendre à parler anglais, allez, casse-toi. Le psychologue. Oui, monsieur Polo. Ouais. J'ai reçu un courrier de votre part. Il faut que. Faux, il faut je qu'on t'ai parle. Jamais rien écrit. S'il vous plaît. Non, je ne t'ai jamais rien écrit. Mais si, il y avait des je t'emmerde. Il y avait des je t'emmerde. Vous m'avez écrit ça. Ah non. Je t'emmerde. Ça ne va pas dans votre tête. Rien n'a jamais écrit ça. Vous trompez. Je t'emmerde. C'est pas possible. J'ai reçu des textos, des mails avec des je t'emmerde. Rien ne va plus. Mais j'ai jamais écrit ça. Hein. Mais si, il y a des je t'emmerde partout. Très drôle, Guillaume. Alors moi je veux dire que Sandro est super sympa, Mickaël, lui c'est le patron, Toff, à défaut d'avoir des qualités, il a tous les défauts de la terre, et d'accord. Toi t'es banal, t'es qu'un connard de merde, enfoiré de pute, tu peux les crever, sale con. J'adore, Marvin, le retour de l'homme qui ne savait plus, n'avait pas d'humour. Oui, si, l'homme qui n'avait pas d'humour, s'il te plaît, tu veux que j'en sorte une vraiment bonne, tu vas voir. Non, demain. Demain? Ouais, Marvin. Attends deux secondes, hein, je m'occupe de toi dans quelques instants. L'opportuniste, welcome, le retour, je t'écoute. Ouais, enfin, welcome, non, t'es pas le bienvenu, tu sais que t'es pas le bienvenu. Ah bon? Bah non, mec, tu te prends un coup, quoi. Bah pas du tout, pas du tout. Moi, t'étais où quand j'étais en enfer? T'en avais rien à foutre? Non, mais je pense que, tu vois, faudrait quand même qu'on se voit. Non, café, mais tu voulais pas me voir avant. Non, mais je me disais que peut-être dans ton émission qui cartonne, là, t'aurais, tu vois, une place pour, je sais pas, moi, tu vois, un assistant, un artiste. Non, parce que je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans la vie, tu sais, j'ai aidé plein de personnes et, en fait, ça se retourne contre toi à un moment donné. Ouais, tu sais, y a un proverbe qui dit, il fait du bien à un chien, il chie dans la main. Monsieur le directeur, le retour, welcome, bienvenue. Bon, écoutez, je crois que j'ai détecté le problème. Ouais. Vous racontez votre vie, tout le monde s'en branle. Hein. Donc je pense que là on va gérer ça demain. Donc travaillez Monsieur le directeur, deux secondes. Jordan. Oui, qu'est-ce que t'as fait depuis, vas-y. Qu'est-ce que tu m'appelles, vas-y. Jordan, fais pas le malin, tu m'impressionnes pas. Et tu sais quoi, regarde, Jordan. Quoi. Hop, je t'en raccroche au nez parce que t'as un bouffon et c'est moi qui contrôle le truc. On va terminer ce polo contre le reste du monde. Le psychologue. Oui, monsieur Polo, donc tous les chemins merdes, comment on va faire? Eh ben, on va rien faire, le psychologue. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire pour finir, pour conclure. Écoute, ouais, vas-y. On va s'en reculer, c'est le gros bâtard. Ok, ciao, gros bâtard. Monsieur le directeur, conclusion, s'il vous plaît. Bah écoutez, la conclusion va être facile. Travaillez votre première minute. Ouais, monsieur le directeur. Il n'est pas normal que votre première minute soit mauvaise et que les deux dernières soient bonnes. 150 millions de likes sur Facebook. Oui, ah bah écoutez, ça c'est très très bien, effectivement. Il n'y a rien à dire. Non, mais c'est vrai. Voilà. Il y en a qui sont très bons sur Twitter et médiocres à l'antenne, et Dieu sait que vous n'êtes pas le seul. Bah oui, ça je le sais, ça. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le directeur, à demain. Je vous salue. Ciao. Guillaume. Bah c'est juste pour dire que t'es tellement con, tellement classique, j'ai vraiment eu plaisir avec le chien de la voisine que de voir ta gueule tous les jours de merde, heureusement que t'as la radio, parce que je te verrai à la télé, je serai en train de vomir toutes les crimes de mon corps. Merci pour tous ces compliments, Guillaume, au revoir. Marvin, tu reviens demain, ma gueule. Et peut-être si je suis bien luné, tu passeras. Parce que je suis généreux comme ça, je suis comme ça, je suis bon. Allez, va, dégage. J'en peux plus, sérieux, faut que ça casse. Sérieux, j'en peux plus, faut que ça casse dès maintenant. Allez, casse-toi d'ici, tu t'es pris pour qui, Marvin? Tu vas me donner des ordres maintenant, espèce de con? Et pour terminer, l'opportuniste. Ouais, non, parce que bon, après, si tu veux pas prendre un café, on peut aller manger un bout. Hein. Non. Non, parce bon. Que je peux pas. Tu sais, moi, les traîtres, les lâches, les hypocrites et tout, j'aime pas ça. Tu sais, pendant des années, tu m'as tourné le dos, tu m'as pris pour une merde. Tu m'as moqué, hein, avec tes amis, là-bas, loin, là-bas. Non, tu t'es moqué de moi. Non, je pense qu'on t'aime bien châtier bien. L'opportuniste, tu vois, ouais. Et bah va châtier tes potes à toi, pas moi. Ah si, se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à tous les auditeurs, à ces millions d'auditeurs qui m'écoutent chaque soir. Merci à vous, car grâce à vous, je suis numéro 1 la nuit. Et ça n'a pas de prix. Mais je m'en vais. Ouais. Et ça, c'est magnifique. C'est vrai. Faut dire les choses. Bon, 2h08 sur Fun Radio, là, plein de messages qui sont arrivés. Tiens, il y avait Megumi qui disait par rapport à la chasse, là, stop la charcuterie et go manger pour des fibres. Et il y a Nadia Le Prince qui dit manger de la soupe ou de la purée de soda, mange des fruits. De soja, j'imagine plutôt. Hein. Des fruits, les toilettes seront tes meilleurs amis. Voilà, très bien. Bon, et Philou aussi, j'ai envie de chier, je suis sur la 86. Eh ben, bon courage, Philou, tu vas bien te marrer. Chie par la fenêtre. Eh ouais, exactement. Bon, allez, top tweetos maintenant, 2h09. On va donc donner les résultats. On va savoir lequel de vous va repartir avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment, pour ça, il fallait envoyer un maximum de messages sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. Et donc, on va le faire maintenant. Quel est le numéro 5? Nadia Le Prince. Numéro 4. Vladimir Poutine. Numéro 3. Fred S34. Ah. Numéro 2. 69 degrés. Et numéro 1. Nico. Nico qui n'a pas encore gagné, je crois. Si. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas non plus. Bah, bravo, Nico. Tu repars avec ce magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Eh oui, avant de partir, avant le générique de fin, on avait quand même un auditeur qui était passé nous voir. Ça va? Ça va très bien. En forme? En forme. Enfin, qui est repassé nous voir en l'occurrence. Et tu veux faire un petit message? Oui, à mon meilleur pote. Attends, juste un truc. Qu'est-ce que tu penses de la gueule de Toff en vrai? En vrai, hein, sois franc. Non, mais franchement, ça va. Merci. Les gens n'ont plus de goût. Ouais, les gens aiment la merde. Le goût se perd. Ouais. C'est normal dans cette société d'imbéciles. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Enfin bon. Enfin bon. Ah bah vas-y, passe toujours ton message, on t'en veut pas quand même, hein, sans rancune. Une dédicace à mon meilleur pote qui est livreur et qui nous écoute ce soir. Très bien. Il s'appelle comment? Livreur Romain. De quoi? Non, il fait c'est pour la poste. Ah oui, non, il peut pas nous apporter à bouffer donc. Il peut nous ramener du courrier, on va ouais, dire. Il peut pas nous ramener tout le courrier parce que parfois il est colis sympa. Non mais c'est vrai. Et puis on va lire le courrier des gens à l'antenne, c'est drôle ça. Alors monsieur Richard, vous avez les impôts qui vous cherchent. Apparemment c'est trois fois déjà qu'il vous envoie un message hein. Ça peut être drôle, ça peut être très drôle. Mais merci de passer en tout cas hein. De rien. Voilà, et bon bah on salue ta copine également non, qui c'est est, ma soeur. Qui est ou ta soeur, enfin bah, peu importe hein, qui est passée. Mais alors ce qui est bien tu vois c'est parfois on a des auditeurs un peu comme les enfants. On a des enfants ouais. bruyants qui pleurent ouais. etc ouais. Faut les bercer. Et puis il y en a qu'on voit pas ouais. Et ils ont été super bah, sages ouais. Bah, j'ai vu à la fin, mais il y a des gens là, j'avais pas mais, vu. Tiens, mais vous êtes qui? Voilà, c'est ça. Donc, bon, ça a été quand même là, parce oui. qu'on vous a pas entendu. Vous êtes fait chier ou pas? Non, c'est pour elle. Ah bon, ah d'accord, ok, très bien. Bonjour, hein. Non, attends. Réponds là, t'as un micro devant toi là, tu regarde, peux pas. Regarde, regarde, dis bonjour, dis bonjour. Bonjour. Ah, bah voilà, voilà, tu vois, ça mord. Là... Il mord pas, hein. Bon, sinon, tu mets une patate et toi, on l'a mis loin de toi. Donc moi, je comprends, vu le pull de JB, je pense ouais. qu'elle a peur. Elle a peur, je c'est confirme, normal. Je confirme. Ça fait robe ce truc. Ah oui, ça c'est clair. Bon, allez, générique de fin, et puis bah, et puis on s'en va. Hop, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucé, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Connard de votre espèce à ce moment-là qui emmerde le monde et a rien foutre sur terre. Mais vous êtes un peu con mon pauvre ami. C'est enculé hein. C'est enculé hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà bah la couche avec ta grand-mère. Que veux-tu? JB est un enculé. T'as le pédé alors. T'es un gros cul, t'es mort. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te fait enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Voilà, sans faute cette fois. Comme d'hab, pas mal. Ah comme quoi, tout arrive. Il y a, on salue également Loan qui est avec nous ce soir sur le Twitter, Julien sur le Facebook, Benoît également, Cédric, Cédric et encore un autre. Il y avait Exercice 3 également, il y avait Aurélie, il y avait Nico qui a terminé numéro 1 ce soir du Top Twitos, bravo à toi. Enzo également, Loro Xalien, il y avait The Best Fan of Michael, merci beaucoup. Et tous ceux qui nous ont rejoints, on est quasiment 382 000 sur la page Facebook de l'émission. Bah, continuez à passer le message autour de vous et puis à vos potes demain bien entendu, ceux qui vont au bahut, ceux qui n'ont pas congé et amusez-vous bien. Et puis surtout ceux qui sont en vacances évidemment. On se retrouve nous quant à nous évidemment demain à partir de 23h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous on vous laisse pas tomber. Mickaël de 23h à 2h sur Fun Radio. JB dans la radio. Oh oh oh oh. Eh oui. Plus 150% plus d'audience. Écoute Cody Mickaël. Plus 150% d'audience. Ah mais c'est grâce à moi. Oui, oui, peut-être. Il passe après Polo contre l'As du Monde. Oui, il y a un access prime time. Ben voilà, mec, c'est ça. Tu crois quoi, je te fais tout, mec. C'est l'access de l'access de l'access. De l'access prime. Et après, il voilà. y a Bruno, donc comme ça cartonne, il y a en Bruno fait, avant qui cartonne, et moi en qui fait, cartonne. Donc en fait, Bruno cartonne grâce à toi. Non. Parce qu'en fait, tu lui amènes la soupe. Non, il cartonne grâce à lui-même. Mais en fait, on aide cette espèce de merde de JB. Ah oui, en fait, ouais, c'est ça, en fait. C'est le JB, je rigole. Il est entre. En fait, vous êtes les grippins et lui, c'est le pain au milieu. C'est quoi. Ça, c'est la. Voilà. Le c'est pain un vrai milieu. Déménagement, hein, y a trop de cartons. Ouais. Explication de vanne. Bah non, ça cartonne tellement. Ça cartonne qu'il y a tellement. Déménagement. Il y a beaucoup de cartons. Donc déménagement. Il y en a qui vont faire leur carton, hein, faites confiance. Oh là là. Voilà, je chargerai personnellement. Voilà. Bon, ouais. Je m'en chargerai personnellement. Je ferai faire le sale boulot. Ouais, mais attends, parce qu'il y en a qui rigolent, mais. Ouais, tu vas voir. Sinon, c'est comme les joueurs de foot, t'as trop de cartons. Hop, terminé. N'allons pas plus loin. Un auditeur nous avait demandé le son de Stromae tout à l'heure à 23h, mieux vaut tard que jamais, on se fait ta fête maintenant. Allez, casse-toi, j'y vais. Fini l'heure de danser.